18h03 et la voici, cette fameuse émission de fermeture du Radiothon 2010. Aucune réaction. Émission de fermeture! Ah, merci! On commence à être épuisé, hein? Je comprends. Tout le monde ici, public, il y a des gens qui ont été là une bonne partie de la fin de semaine, des bénévoles, des techniciens, des musiciens. On s'installe pour cette émission de fermeture. On est là jusqu'à 21h, 21h15. Et toujours un grand plaisir d'être avec Mme Agnès Maltais. Oui, qui est... Allô! Députée de Taschereau. Qui vient ici pour la le dernier radioton à titre de député de Taschereau. Oui. Et qui arrive avec de l'énergie. Ouais! Ça fait... Écoutez bien, là, il faut que ça lève. C'est ma dernière, il faut que ça paye. Ben, je pense que ça va être un bon leitmotiv pour les trois prochaines heures. Et d'ailleurs, on commence sur un premier chiffre officiel. Ah oui, oui, oui. Déjà, ben oui, je vous laisse annoncer. Le premier chiffre. Écoutez, vous savez tous et toutes que l'Ancan a un objectif de 42 000 $. Oui. Et nous en sommes aujourd'hui pour partir l'émission de fermeture à 33 382 $. Wouhou! OK. Alors, il reste encore un bout de chemin à faire. Il reste un bout de chemin et c'est à partir des prochaines minutes qu'on va fermer les premiers lots d'Ancan. Si vous en êtes à votre premier radioton, voici comment ça va fonctionner. Donc, dans cette émission, on va annoncer des lots aux 15 minutes, une série de lots, et 15 minutes plus tard, on va les fermer. Donc, la dernière mise, la plus haute, va le remporter. Et par la suite, ben, on va continuer comme ça, à toutes les 15 minutes, fermer les 95 lots. Ce qui fait qu'à 21h15, on va avoir le chiffre final du Radiothon. Et ça va vite parce que, bon, les lots, vous les connaissez, ils sont sur le site Internet, c'est krl.qc.ca, c'est simple. Vous appelez à 640-2575. Et quand on nomme les lots, on nomme le titre et le numéro, faites attention, ça va vite. 15 minutes plus tard, c'est fini. Oui. On les ferme. Alors, votre dernière chance. Et on avait des questions, en tout cas, dans la fin de semaine. Est-ce qu'on va le voir sur le site Internet, ceux que vous fermez? Non. Faut nous écouter. C'est la seule méthode. On est à la radio, faut écouter la radio pour savoir les lots qu'on va fermer. Sinon, vous faites une mise au hasard et vous croisez les doigts en espérant avoir la plus haute. Pour André Cassidy, qui sera avec nous aussi. Bonjour pour André. Oui, bonsoir. Encore une fois, comme co-porte-parole de notre événement. Et là, tu as amené toute une gang avec toi ce soir. Ben, une gang. J'ai amené une... Oui, c'est vrai, quand même une gang. Ben oui, j'ai amené J'ai amené ma fille Lou qui va chanter avec moi puis qui va faire une de ses chansons aussi. J'ai amené Vincent Gagnon qui jouait avec Lilithi puis qui va jouer avec moi aussi. Puis j'ai une recrue là, qui découvre les qui découvre le radiothon, qui découvre Amassan, qui découvre... Parce qu'effectivement, on peut encore venir se faire masser d'ici 21h oui. Pour ceux qui veulent contribuer autrement, en contribuer en se gâtant. Oui. Donc voilà. Très bonne pour l'André hein? Pour vendre, oui. Ouais, très bonne. Mais je suis très heureuse d'être à vos côtés ce soir pour cette fermeture pour l'André. C'est vraiment un honneur pour moi. Je suis très, très contente. Puis c'est toujours une belle rencontre que cette émission de fermeture, autant pour les auditeurs de CKRL que pour nous. Et moi, je suis enchantée d'être là avec vous. Mais pareillement. Donc, on va avoir la chance de se parler, d'entendre des prestations. Mais à part le radiothon, il y a un sujet moi, que je veux aborder. Madame Maltais, justement, cette fin de carrière en politique. Et on l'a dit la dernière fois en tant que députée de Taschereau. Et qu'est-ce qui vous a mené à prendre cette décision-là? Écoutez, ça fait 20 ans que je suis députée de Taschereau. C'est un boulot qui est extrêmement passionnant, fascinant. Je regrette pas une minute de cette vie-là. C'est intense, mais soyez intense pendant 20 ans. C'est long. Et évidemment, moi, je fais pas les choses à moitié. Alors, je donnais pas mal d'heures par semaine. Mais 110%. J'ai eu des gros dossiers aussi dans ma carrière, des gros rôles au Parlement, leader adjoint, président de caucus, j'ai été ministre quand il y avait des gouvernements. Donc, tout ça a fini par faire une charge émotive je commence à avoir de la misère à gérer mon stress. Étonnant, ça paraît pas, je le sais. Non, ça vous cachez très bien ça. Devant la caméra. Mais à la longue, je commence à avoir de la difficulté à gérer cette pression-là. Ceci dit, ça me déchire, c'est sûr, de lâcher les gens avec lesquels j'ai travaillé, là, chez les citoyens de Tachereau, les artistes, j'en ai connu tellement, j'ai travaillé avec tellement de groupes qui commençaient. Je regardais l'autre fois Jérôme Casabon, qui est à la voix. Oui! Ben, Jérôme, je l'ai vu, moi, dans Saint-Sauveur. Il était sur la rue Saint-Vallier, une fête de quartier. Puis, j'ai dit, hey, il devait avoir 15 ou 16 ans. J'ai dit, hey, toi, Jérôme, t'es bon, je veux te voir. Puis, on l'a aidé. Fait que il y a plein de gens comme ça que j'ai croisés. Oui. Hein, Mme Cassidy? Oui. Donne des coups de pouce. Alors, je suis, ça me fait. C'est de perdre le. C'est pas le rôle, mais l'outil que j'avais pour aider. Alors, je vais m'organiser pour qu'il tombe de bonne main. C'est bien ça. Oui, il le faut. Il le faut, c'est trop précieux. Et pour ce qui est de la prochaine carrière, ben là, on apprenait justement la semaine dernière dans les journaux, vous y réfléchissez encore, parce que je pense pas que vous allez prendre votre retraite complètement de oui, tout. Mais je voudrais juste dire, j'ai fait 18 ans en théâtre. J'ai une carrière de femme de théâtre que les gens connaissent moins. Oui. 20 ans en politique. Oui. Intense. Fait que je vais juste prendre un break. OK? Et après ça, on reparlera. Mais c'est tout à fait mérité. Merci. Cette pause, et si c'était pas le cas, je pense je l'aurais imposé. Prenez. Non, mais on n'a pas d'année sabbatique en politique. Alors, c'est étonnant, ça. Honnêtement, là, s'il y avait eu moyen de prendre une année sabbatique, je réfléchirais. Mais tu peux pas faire ça, parce que tu perds tes outils, tu perds ta capacité de comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut que tu sois toujours, toujours à jour. Ouais. Mais, ceci dit, que de belles années à savoir tout ce qui se passe, à connaître tout le monde qui bouge, puis à être partenaire, à être avec les gens. Et avec CKRL. Ça fait combien de radiotons? On ne le sait plus. Nous, au moins 10 ans. Moi, je pense que là, cette année, ça fait 10 ans. On l'a dépassé l'année dernière. Ouais, on ça doit être 11. 12. Oui. C'est ça. OK, 11 ans. 11 ans ensemble. Et évidemment, on veut dépasser l'objectif de 42 000. Mais là, moi, j'ai une autre demande. Je sais qu'on est bien écouté dans cette émission-là. Et sur Facebook, CKRL, on est à 4663 personnes. Moi, j'aimerais ça qu'on atteigne le 5000 à la fin du radioton. OK. On clique j'aime. On clique j'aime. Simple, c'est pas compliqué. Un don puis un clic j'aime. CKRL.QC. Non, la page Facebook. Facebook. CKRL891. OK. Exactement. D'accord. Et on va débuter cette émission avec une. Eh mon Dieu, là, Jean-Pierre Gay est là. T'as une liste de l'eau à fermer? Oui. Est-ce qu'on les ferme avant la chanson? Oui. On va faire ça. On va les annoncer. On les annonce. Et voilà. Alors, les premiers lots. Et là, vous êtes chanceux, vous bénéficiez là, de quelques minutes supplémentaires pour vous donner le rythme de comment on va fonctionner dans l'émission de fermeture. C'est les lots qui seront fermés à 18h30. Alors, il sera trop tard... pour le lot du Carrefour international de théâtre, soit un certificat cadeau de 100$ pour le festival 2018. Le lot ça c'était le numéro 3 et le lot numéro 14, pendant que la police me fait une sirène pour dire à quel point c'est important en passant à côté. Alors le numéro 14, les BD jeunesse, le lot jeunesse, le premier lot va se fermer dans 15 minutes. On va aussi fermer le lot numéro 26 à 18h30, les éditions Alto qui offrent des romans qui flirtent avec la science-fiction, donc 3 livres de synthèse. Station 11 et L'âme des horloges. Le lot numéro 46, les bons baguels de chez Bugel. Alors, ça va être fermé tout à l'heure. Le lot numéro 48, la conserverie du quartier. C'est un panier de spécialité. Je le sais que ça bataille fort et va avoir un gagnant à 18h30. Ha! Le 65, la boîte à pain, un certificat cadeau d'une valeur de 50$. Là, faudrait que votre 50$ de pain vous coûte un petit peu plus que 50$. Montez-nous ça! C'est un don en même temps pour CKRL. Oui, un petit 10 de plus, franchement. Et c'est la même chose pour le lot 80 qu'on va fermer à 18h30. La librairie Pantoute, certificat cadeau de 100$. Faites un petit don supplémentaire. Hein. Vous allez acheter des livres de toute façon en contrepartie. Alors, pourquoi pas augmenter votre don pour CKRL pour le lot 80? Bon, voilà quelqu'un qui a compris. Le lot numéro 92, au bal du Lézard. Que de belles soirées en perspective. Alors, un lot à saveur de houblon, mais il est déjà rendu à 110$. Donc, il est au-dessus du prix de la mise. Ça, madame, ça me plaît. Je fais et je clique

ça commence à cliquer j'aime. Alors, oui. J'aime qu'on clique j'aime. Oui. Allez-y. 418-640-2575. Vous pouvez encore faire des dons aussi si vous avez déjà perdu votre lot ou ça vous tente pas d'acheter quelque chose. Ça se peut que dans les 95, il n'y a rien qui vous tente. Vous allez sur PayPal, ckrl.qc.ca. Vous pouvez faire un don. On le dit souvent, il n'y a pas de petits dons. Amassane qui est avec nous encore aussi pour quelques heures pour se faire masser au profit de CKRL. Vous passez nous voir au 405 3e avenue. On s'arrête pour une pause et au retour, on continue de terminer le Radioton 2018. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, le Bal du Lézard s'est imposé au fil des ans comme un lieu de rencontre culturelle et sociale au cœur du quartier Limoilou. À la fois café, resto, bar, salle de spectacle et d'exposition, le Bal est l'endroit idéal pour rencontrer des gens sympathiques dans une ambiance chaleureuse. Découvrez toute notre programmation à venir sur lebaldulézard.com. Alors, on va vous annoncer tout à l'heure à combien ça s'est terminé pour cet encan du Radioton 2018, mais on va en fermer d'autres à 18h45. Les voici, le lot numéro 1, un ensemble de thé et accessoires pour infusion traditionnelle chinoise de Seb's Thé et Lounge. Le numéro 17 de la BD, toutes sortes de BD dans le lot roman graphique 4 BD, Je suis un chat, Ligue de garage et autres. Le lot numéro 36, le Santo Spa, une journée d'expérience détente spa d'inspiration japonaise pour deux personnes. Alors, on est toujours dans une valeur de 100$ et c'est pour relaxer. On ferme le lot à 18h45. Vous téléphonez 640-2575. Alors, dernière chance pour le lot numéro 40. Les éditions à lire, tout sur la science-fiction québécoise. Hey, je connaissais pas. Il y a un petit guide de la science-fiction au Québec. On a de très bons auteurs au Québec. Alors, allez fouiller là-dedans, vous avez 15 minutes. On ferme aussi le lot numéro 55, certificat cadeau chez IGA Jobidon, ici même dans Limoilou. Vous avez envie de miser 640-2575. Le lot numéro 61, pâtisserie Simon sur la rue Saint-Jean, qui première année à CKRL, on les encourage. C'est la première fois qu'on les reçoit. C'est une petite pâtisserie de quartier très sympathique. On y va pour un certificat cadeau d'une valeur de 50$. On commence aussi à fermer... En fait, on commence pas. On va le fermer à 18h45, le lot numéro 63. Les trafiquants d'art, un certificat cadeau d'une valeur de 50$. Un autre commerce de Limoilou. OK, un lot qui est très populaire, le 67, la rôtisserie OS. Je suis allé hier. Oui, puis... Ah, c'est bon. Ah, du bon poulet. L'odeur vient d'entrer dans le studio juste à ton juste regard, en parler. Tania. Ben, alors, vous appelez 640-2575. Et finalement, un certificat cadeau, Knockout. Il y a beaucoup de nos bénévoles qui visitent cet endroit, ce disquaire sur la rue Saint-Joseph qui se spécialise en vinyle. Certificat cadeau de 50$ en magasin. Vous vous dépêchez parce qu'à 18h30, c'est l'heure de maintenant, mais à 18h45, ils seront fermés. Alors, vous appelez 640-2575. Possible que ce soit occupé, mais rappelez, battez-vous. Et on a fermé les premiers lots à 18h30. Alors, finalement, le Carrefour international de théâtre, c'est parti à 125$. Les BD jeunesse sont partis à 75$. Les éditions Alto, la science-fiction, 80$. Buguet, elle est partie à 60$. La grande bataille pour le panier de spécialité de la conserverie du quartier à 150$. Bon, ben, la boîte à pain, 50$ au, à la valeur exacte de ce que c'est. On a dépassé la valeur du certificat cadeau de la librairie Pantoute, 110$. Alors, merci pour le don de 10$ supplémentaires. Et le bal du lézard va se faire dorer dans le houblon pour 110$. Et finalement, la planque, ça fait un beau duo, ça. Apéro, oui. Bal du lézard, la planque après, je sais pas si les mêmes personnes qui ont acheté, mais le certificat cadeau est parti à 100$ également. Alors, les premiers lots qui sont maintenant terminé. Vous savez que Amassan est encore ici au 405 3e avenue. Il masse au profit de CKRL et on a un jeune masseur avec nous. Paul André, il fait partie de ta famille. Il fait partie de ma famille. C'est mon fils. Oui, et effectivement, je vais le laisser parler de son projet qui est parti à l'école, mais c'est quelqu'un qui est intéressé par le massage. Pierre, qu'est-ce qui t'a attiré vers le massage? En fait, au début, ma mère engageait comme une masseuse pour venir nous masser. Et j'ai un ami, après, plus tard, qui m'a dit « T'as tenté de partir en centre de massage ?» Ben, j'ai répondu oui. Évidemment. Est-ce que tu avais de l'expérience là-dedans? Pas vraiment. On avait fait un cours ensemble une fois. Oui. Tu avais appris des techniques. Oui. Fait que j'avais un petit peu d'expérience. Et t'as quel âge? J'ai 10 ans. 10 ans et t'as parti à un centre de massage à ton école? Oui. Et c'est... Au service de garde. Au service de garde. Ah, c'est quelle école? Saint-Jean-Baptiste. Ah, OK, bon. Et qui peut aller se faire masser? C'est les collègues du service de garde? Ben, en fait, il y a deux locales, principalement. Et c'est ceux du local du Grand Caméléon qui peuvent venir. OK. Donc là, si nous, on est comme intéressés, ça marche pas. Ou faut aller se faire garder au service de garde? Bah, ça nous arrive, mais quand même très rarement. Ça nous est arrivé une fois, je pense, qu'un parent qui était venu chercher son enfant, qui était en train de se faire masser, se fasse masser lui-même. Fait que oui, c'est possible pour tout le monde de se faire masser. Il y avait un lien avec l'école quand même. C'était un parent Oui. On sait qu'Amasan, lui, c'est la technique d'acupression japonaise. Quelle technique vous utilisez à votre centre? Bah, technique traditionnelle, je sais pas. Technique relaxante, je sais pas quoi dire. Mais est-ce que c'est plus relaxant ou énergisant? Plus relaxant. Plus relaxant. Alors, voilà. Et vous êtes ouvert sur les heures d'école, de service en fait, de garde? Le service de garde commence à 5 heures. Et on fait jusqu'à 5h30, 5h45. Et est-ce que les gens doivent prendre rendez-vous? Non, mais il y en a qui le font quand même. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon à savoir. On commence jeune. Amasan, donc tu vas avoir de la relève éventuellement. C'est la mission. Oui. D'en faire une forme sociale culturelle. Un moyen de communication comme c'est comme elle. Ben ouais. Donc, on pourra en reparler un peu plus tard de ces valeurs communautaires sociales du massage quand tu vas venir nous annoncer le montant que tu as fait pendant la fin de semaine. Mais Pierre, merci beaucoup. Bah, ça fait plaisir. Et juste pour terminer, j'invite tout le monde à venir à CKRL justement pour se faire masser. Puis, ce qui va être donné en tant que massage va revenir à CKRL pour l'objectif des 42 000. Bravo! Exactement! Un futur! J'ai déjà trouvé ma relève pour l'année prochaine! Ben, je pense, ça y est, on a un co-animateur. On a un co-animateur pour l'année prochaine, en train de se préparer. Ça, c'est certain. Et, ben, écoute, on va rester dans la famille parce qu'on a entendu la voix de Louis-Adriane Cassidy. On va t'entendre en version enregistrée cette fois-ci avec ton extrait. Voici Ça va, ça va. Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Lâche, je sport, fais-toi un port. Ça va, ça va. Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Qui ont pleuré en m'accouchant, comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Lâche, je sport, fais-toi un port. Ça va, ça va. Ooh. ça va, c'est ce qu'on a envie de dire en cette fin de Radioton, parce qu'on a vécu une belle fin de semaine qui n'est pas terminée. C'était Lou-Adriane Castidi qu'on entendait et qui sera avec nous un peu plus tard. On va se jaser certainement, parce que on est aussi avec Paul-André Castidi, co-porte-parole du Radioton, toujours Agnès Malte avec nous. Et là, je vous entendais tantôt, là, mais là, j'ai pas tout compris, mais ça avait l'air intéressant, votre discussion. Vous aviez une histoire de périscope. Madame Malte, vous étiez... directrice du périscope pendant 5 ans. Et vous avez un peu brassé les affaires, innové, comme vous le faites tout le temps, finalement? Avec l'équipe, parce qu'on était beaucoup de monde là-dedans, puis il y avait une belle équipe avec moi. Puis oui, on a... C'était la première à transformer le périscope en cabaret. À sortir les gradins, puis à dire, bon, mais on met des tables, puis on donne... on s'amuse, puis ça a commencé. Paul-André me rappelait que ça a commencé par un anniversaire du périscope. Je ne sais plus si c'est les 20 ans ou les 25 ans. Puis je me rappelais parce qu'il y avait des références au spectacle des Folles Alliées. Puis je me souvenais, il y avait comme une espèce de phrase, un peu comme construite. Le numéro était un peu construit comme une chanson avec une espèce de refrain là, qui venait, qui ponctuait les choses. Puis fait que je me souvenais de l'ambiance de cette soirée-là. Je pense que Marie-Thérèse Fortin avait chanté. Mm. Moi, j'avais joué avec un groupe de musique aussi. Donc, j'avais des. Ouais, ben on faisait des shows de ça. Moi, quand j'étais avec les Folles Alliées ou après au Périscope, moi, la fête, c'était extrêmement important. Et puis, de permettre aux artistes d'improviser, de s'amuser, de recréer des moments où on partage, parce que tout le monde est dans son coin, dans sa bulle, fait ses shows et tout. Tout à coup, il y avait des moments de partage. C'était important. Puis après ça, le Périscope a été utilisé par le Festival d'été. Ils ont vu ça, puis ils ont dit, tiens, ça pourrait faire notre cabaret des fins de soirée. Puis ça avait été le premier endroit où il y avait eu... on avait ouvert la salle l'été, puis c'était devenu le cabaret des fins de soirée du Périscope, du Festival d'été. Mais Paul-André, on te connaît comme interprète, mais tu viens du théâtre. Oui, ma formation première, c'est du côté du théâtre, effectivement. J'ai fait 2 ans au conservatoire, j'ai beaucoup appris là. Puis après ça, j'ai fait aussi... ça a l'air un peu... particulier là quand j'en parle, mais je suis allée à l'école de mime aussi. J'ai beaucoup appris pour la chanson à l'école de mime, donc en faisant aucun son, finalement, en chantant pas, en utilisant pas ma voix. Puis souvent, quand je coach des gens, c'est ça que je fais avec eux, je travaille avec eux, je dis, mais là, je vais vous déstabiliser, mais on commence, on chantera pas, il y aura pas la voix, on peut travailler juste sur le corps. Donc, l'école de mime à Montréal, là, de Jean Asselin, Omnibus, l'école de mime corporelle, ça a vraiment été une superbe école. Puis j'ai fait des ateliers en Angleterre aussi, du côté du théâtre, qui ont été vraiment... important pour moi, puis qui m'ont servi, qui ont vraiment teinté ma pratique là, en chanson. Et là, les dernières choses en interprétation de jeu, c'est quand la dernière fois que t'es montée sur scène, mais pour acter? Et moi, j'ai souvent dit au début que j'étais une comédienne non pratiquante, parce qu'assez rapidement, après cette formation-là, je me suis mis à chanter, mais donc je travaillais avec ça, mais j'avais pas vraiment une pratique de comédienne, sauf que ce qui est resté, c'est souvent des projets hybrides. J'avais joué dans Chabot et filles. Je faisais un trans. Oui, chanteuse trans. Oui. J'étais vraiment contente parce qu'en fait, souvent. Chabot et filles, c'est la série qui avait été tournée à Québec. Exactement. Une histoire de détective avec Jean-Pierre. Exactement. Gérard. Qui se passait à. Dans Limoilou. Ça se passait dans Limoilou. Oui, ça se peut. Oui, oui. Ben, j'ai des secrets de tournage. Ah. Mais puis c'est ça. Puis moi, je faisais quelqu'un qui se faisait assassiner en cours de route là. Mais c'était au départ un petit garçon dans l'histoire, puis qui est devenu femme en cours de route. J'étais vraiment contente parce que souvent les gens me disaient qu'avec ma formation, j'aurais pu faire des comédies musicales. Mais en fait, mon registre vocal est tellement grave que les rôles de femmes me font pas. Tu sais, je dis mon registre aigu des comédies musicales. Même les rôles d'alto, ça faisait pas. Je dis moi, il aurait fallu que j'auditionne pour Jean Valjean. Mais j'avais pas nécessairement le casting, tu sais, qui est un ténor. Tu sais, mon registre vocal, c'est ténor, ça fitait comme pas trop. Quoique maintenant, on est quand même dans une mouvance où on veut donner des rôles masculins à des femmes. Ah, donc peut-être. Tu pourrais faire Jean Valjean éventuellement. Éventuellement. Ben, il y a une compagnie à Québec de jeunes femmes qui fait ça. Ils ont pris un spectacle, un texte classique, puis ont fait jouer les rôles de femmes par des hommes et des hommes par des femmes. Or, les numéros principaux, évidemment, n'étaient pas écrits pour les hommes. Alors, ce sont des femmes qui font ça. Ouais. J'essaie de trouver le nom de la compagnie. Là. On a quelqu'un là-dessus qui recherche. Ce projet-là. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que quand je suis arrivée dans ce rôle-là, j'étais vraiment contente parce que j'avais l'impression que mon registre vocal puis la couleur grave allait complètement servir le personnage, puis que c'était vraiment intéressant pour créer ce personnage-là. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment une super belle expérience. Puis autrement, ben, j'ai eu des projets hybrides, des projets qui croisent avec Avenue Tango, Rose Cher qui croisait le tango puis le spectacle. J'ai un autre projet là, qui est un projet un petit peu fou qui qui est assez mise en scène aussi, là, où on travaille dans un gros groupe. Donc, des choses comme ça, mais pas nécessairement du côté du jeu directement. Ouais. Ben, pour l'André, nous, on a envie de t'entendre chanter. D'accord. On l'aime, nous, ton registre grave. On n'est pas comme les comédies musicales. Donc, on te laisse aller t'installer sur scène. Et pendant ce temps-là, on vous annonce les lots qui seront fermés à 19h, en débutant par le numéro 34. On est dans le yoga Namasté Limoilou, un forfait de 5 séances. Et c'est nos voisins d'en haut. Donc, pourquoi pas? Alors, allez miser, on le ferme à 19h. Le numéro 22, c'est chez P. Deschênes. Je cherche, excusez-moi. C'est Jean-Philippe Deschênes, donc c'est un Deschênes. Animateur de CKRL et on a la chance. C'est la co-animation de ma boîte à cassettes, l'émission à CKRL. Exactement. Et on va aussi fermer un des deux lots de Dojo Sekai. Donc, on est dans le karaté, voilà, pour enfants. Alors, on va fermer ce lot dans les prochaines minutes. Vous allez retrouver les détails sur notre site Internet pour tous les lots, d'ailleurs, ckrl.qc.ca. Est-ce que tu as dit Sento Spa? Ben, non. Je 36, l'ai pas le dit. Numéro 36, Sento Spa. Et on va fermer aussi le numéro 38. Oh! Casse-croûte Pierrot, un certificat cadeau qui est toujours bien apprécié des habitants de Limoilou, mais des autres aussi, hein, parce qu'ils font la livraison. Donc, c'est un certificat cadeau de 30 $. Le 54, je sais que ça a misé fort tout à l'heure. Mon quartier en boîte, un certificat cadeau d'une valeur de 30 $. On va fermer aussi le lot numéro 64, un autre certificat cadeau d'une valeur de 50 $ de la boîte à pain. Et le 66, encore la rôtisserie Os qui va être fermée. Vous n'avez que 15 minutes pour miser une dernière fois. Et finalement, le lot numéro 90, c'est la pharmacie Brunet de la 3e avenue. C'est un certificat cadeau d'une valeur de 100 $. Et là, dites-moi pas que vous n'avez rien besoin à la pharmacie. Tant qu'à l'acheter, votre papier de toilette, faites donc un don à CKRL en même temps. Donc, vous pouvez miser sur ce lot. 640-25-75, c'est le numéro de téléphone à retenir. Soyez patient. N'hésitez pas à rappeler si c'est engagé. Et si vous êtes auditeur, auditrice de CKRL, on a décidé qu'il fallait que les médias sociaux reflètent mieux ce qu'est CKRL, une radio qui est vraiment impliquée dans sa communauté. Mmh. Alors, dites-le, dites « j'aime » à CKRL. Oui, page Facebook. On est en train de monter tranquillement, alors n'hésitez pas à augmenter notre popularité. On veut atteindre le 5000 j'aime. 42 000 $, 5000 j'aime. Hein, on ne demande pas grand-chose, dans le fond. Non. C'est tout ce qu'on veut. Que de l'amour et un peu d'argent. De l'amour, de l'eau fraîche et de la musique pour André Cassidier en prestation avec nous au Radio Temps. J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres tout usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi moi par moment, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil, ah, je suis bien pareil à vous. À vous, comme le grain de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés, ah, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autres moi-même, mais les mots couvent en noir je sème, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains, et vous passez votre chemin sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne et je meurs sous vos mêmes liens. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou. Il aurait mieux valu me taire. Vous me mettrez avec en terre comme une étoile au fond d'un. Pour l'André Cassidy qui est toujours avec nous pour cette émission de fermeture, fermeture du Radioton, mais fermeture des lots aussi. À 18h45, on a fermé différents lots, dont celui de Sebs, le numéro 1, hein, à $125. Le 17, les BD variés, c'est parti à $75. Le 36, le Santospa, $90. Le 40, les éditions à lire à $80. Le 55, IGA Jobidon à $90. Le 61, la pâtisserie Simon à $55. Plus haut que la mise initiale. Ben, merci. Oui. Le numéro 63, trafiquant d'art, $35. Le 67, la rôtisserie Os à $105. Et finalement, le knock-out numéro 71, c'est fermé, terminé, à $55. Encore deux lots où on a dépasser la mise initiale. Oui. Bon, déjà, c'est parfait. Vous avez compris l'idée. Exactement. C'est ça l'objectif. Et l'objectif de 42 000, c'est bon parce que dans les dernières années, avec le porte-parole Alain Slight, c'est pas Alain Slight, c'est Alain Girard, hein, qui nous disait, il faut pas seulement atteindre l'objectif, il faut le dépasser. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à dire qu'il faut dépasser le 42 000 $ et c'est la manière de le faire maintenant, c'est en misant sur les lots qui sont toujours actifs, mais on peut faire des dons également. Ça, c'est possible. Vous pouvez nous donner ce que vous avez. Hein, on dit tout le temps, videz vos poches. Regardez, ouais, c'est quoi. C'est ça. Vous êtes ensemble dans un appartement en train de prendre une bière. Vous dites, on écoute le Radioton et tout à coup, j'ai pas eu mon lot ou bien on est en groupe. Vous mettez $10 à gang, ça se fait très bien, c'est pas un problème. Calculez vos vides, combien vous avez, faites un don égal sur PayPal, par exemple, ckrl.qc.ca. On a plein d'imagination pour vous. Si vous avez un problème, 640-2575, on vous fait des propositions. Oui, vous savez pas pourquoi donner, on a aussi des bonnes réponses. Comment donner, on va vous le dire. Donc, n'hésitez pas à le faire. On a jusqu'à 21h ce soir pour le Radioton 2018. On s'arrête le temps d'une pause et on revient tout de suite après. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, la Barberie est ancrée dans son milieu depuis 1997. Première entreprise coopérative microbrassicole au Québec, unissant le savoir-faire d'une équipe de passionnés de bière et l'engagement social. La Barberie, heureuse de s'associer à CKRL 89.1. Labarberie.com. Il reste encore 2 heures. Oui. Officiellement, au Radioton 2018. Et nous n'avons pas atteint ni même dépassé notre objectif. Madame Malte, on est rendu où? On est rendu à 19h. Nous étions rendus à $36 029. C'est bon? $36 000. Ouh! Mais ça veut dire qu'il nous reste 2 heures, oui, pour $6 000. Alors, on a besoin de vous. On a besoin de vous en misant sur les lots 418-640-2575. Oui, les téléphonistes sont occupés avec l'encan, mais si vous voulez faire un don, là, ils sont là pour ça. Vous les appelez quand même, vous leur dites « Moi, je veux faire un don. » Puis là, ils vont comme « Mais c'est pas grave. L'important, c'est le chiffre de la fin. Sinon, vous pouvez le faire par PayPal aussi, ckrl.qc.ca. Et si vous êtes en train de surveiller vos lots, sachez qu'à 19h15, nous allons fermer. Nous allons fermer d'abord le lot numéro 10, qui est les BD avec des éditions Pow Pow. Le lot numéro 24, les éditions Alto, une cuvée 2018 de 3 livres, La Femme de Valence, Hotel Lonely Hearts et L'Homme aux deux ombres. C'est des exemplaires dédicacés d'ailleurs. Le lot numéro 37 va se fermer dans 15 minutes. C'est le Resto L'Express du Sud, un certificat de 50 $. Les éditions à lire, le lot numéro 41, tout sur les personnages récurrents en littérature policière avec un exemplaire de détectionnaire. Le détectionnaire. Le détectionnaire. C'est beau quand même. J'adore quand on fait des mots. Le dictionnaire des détectives. Oui. Alors le 45 chez Bugle, les super baguettes. Le lot numéro 53, le Festival international du domaine Forger, une paire de billets pour un concert de votre choix au Festival 2018. Ça pourrait être à vous si vous misez avant 19h15. Et si vous ne vous contentez pas de la nourriture artistique, prenez le numéro 56, IGA Jobidon. Le deuxième certificat cadeau de la pâtisserie Simon, valeur de 50 $, c'est le lot numéro 62. Et le 88, qui fermera dans 15 minutes, Sushi Niki, le nom le dit. C'est pas mal ça, il y a du sushi. Et c'est toujours le même numéro, 640-25-75. Et vous misez dès maintenant pour cet encan, 95 lots, il y en a de moins en moins. Et tout est indiqué en temps réel sur notre site Internet, vous pouvez vous y fier. Et si vous ne trouvez pas le lot que vous, dont vous rêvez, je suis sûre que vous avez un ami ou une amie qui rêve d'un autre lot, ou qui rêve d'être invité à dormir à Québec au Château Laurier, ou qui rêve d'aller au Resto L'Express du Sud, ou à qui vous vous dites « Tiens, ça fait longtemps que j'y ai pas jasé, je devrais l'amener au resto. » Et voilà, c'est le temps, vous misez pour CKRL et pour l'amitié. Oui, parce que c'est ça, la radio communautaire. Il y a la communauté, mais il y a ses valeurs humaines aussi qu'on véhicule. Paul André Cassidy, toujours avec nous. Oui. Et comme je disais, t'as amené ta gang. J'ai vraiment amené ma gang. Ce qui est fun dans ta gang, c'est qu'il y a une partie de ta famille. Oui, exactement. Dans ma gang, il y a ma progéniture. Donc, on a entendu mon fils tout à l'heure, ma fille qui chante avec moi, mais ma fille, elle a aussi son projet à elle aussi. Ben oui, on a entendu une de tes chansons, Lou, d'Adrienne Cassidy. Qu'est-ce qui se passe là pour toi présentement? T'es rendu où dans ta carrière? Situe-nous sur ta timeline. Crime. Plein d'affaires. Écoute, ben là, en ce moment, je suis dans les... Ben, allô, déjà, d'un. Salut! Bienvenue au Radio-Ton. Merci. Non, c'est ça, ben, je suis en ce moment, je suis dans les francs couvertes, là. C'est ça qui se passe. Là-dedans, oui. T'as été retenue dans les neuf... Là, je suis demi-finaliste, oui, c'est ça. Fait que là, il reste encore plein d'affaires qui peuvent se passer. On ne sait pas trop, c'est le mystère des concours. Mais là, c'est ça. Fait que ça va bien. Il y a ça. Puis aussi, une des choses qui prennent de mon temps en ce moment, c'est la préparation de mon premier album qui est à sortir pour l'automne 2018. Donc, dans pas si longtemps, finalement. Non, c'est bientôt, hein? Quand on regarde ce qui reste à faire. Mais ça va bien aller, je pense. Est-ce que tu fais un album complet? Oui. Bah, bon, merci. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. On s'essaye. Non, je pense à. Ben oui, je suis quand même enthousiaste. Là, on est revenu avant hier du studio. Puis c'était bien énervant, tu sais, quand on n'est pas encore allé, on sait pas qu'est-ce que ça va donner encore. On se pitche un peu dans le vide. Nous, on s'est vraiment mis dans une espèce d'esprit de comme on s'essaye, on découvre, on essaie de repousser les limites. On voulait sortir un peu de notre zone de confort. Puis je pense que ça a fonctionné. Fait que c'est ça. Là, il nous reste tout. Plein d'étapes encore, mais c'est excitant. Là. Avec qui tu travailles pour faire ça? C'est Simon Pedneau qui réalise et qui fait aussi la guitare. J'étais également accompagnée de l'incroyable Vincent Gagnon. Hey. Bravo, Vincent! Au piano et au clavier. On l'aime tu notre Bibi, hein? Ouais, c'est son petit surnom. Mais juste pour l'anecdote, là, l'an dernier, on n'a pas réussi à voir Vincent Gagnon au Radioton, mais normalement, il est là à chaque année, soit avec son projet, soit en accompagnement de quelqu'un. Et là, pour l'André, je ne te l'ai pas dit, mais je t'ai choisi parce que je sais que Vincent Gagnon t'accompagne. Ah, c'est ça! Seule raison! Seule et unique! Je me demandais pourquoi! Ben non, c'est tellement pas vrai. Donc, tu travailles entre autres avec Vincent. Ben oui, non, c'est ça. Ouais. Puis, exact, avec Jesse Caron à la basse, puis Pierre-Emmanuel Baudouin à la batterie, avec Guillaume Chartrain qui va mixer, qui prenait... En tout cas, bref, on était une belle gang, on était six dans un chalet à Saint-Zénon, puis on a trippé pendant 5 jours, fait que c'est bien ben excitant, tout ça. Ben, on a hâte d'entendre ça, mais est-ce que ça a été toujours une évidence que vous alliez travailler ensemble, mère et fille, sur scène? Non, je dirais, c'est-à-dire que Lou est venu, souvent je l'ai invité toute petite, mais faire des choses, tu sais, des petites apparitions, un clin d'œil, tu sais, je l'ai amené aussi voir des spectacles, voir des mises en scène, donc tu sais, on elle m'a vu travailler aussi. C'est que ça, je l'ai mis dans ce bain-là rapidement. Puis elle voulait faire de la musique très tôt. Mais travailler ensemble vraiment, je pense pas que je... Ça s'est imposé seulement il y a 4 ans quand j'ai monté Libre Échange puis que on est revenu du studio puis qu'elle a écouté ça, elle a dit ah j'entendrais des voix puis qu'elle a proposé des choses puis là petit à petit ben ses voix c'était super bon ce qu'elle proposait donc elle a pris une belle place sur le disque, on l'a intégré dans le spectacle, on a monté des duos puis on a fait la tournée ensemble. Donc c'est vraiment, je dirais que travailler comme professionnellement ensemble ça fait seulement 4 ans. Avant c'était plus des clins d'œil, c'était une apparition, c'était un petit coucou, mais c'était pas quelque chose d'aussi où tu venais. J'ai toujours amené mes enfants avec moi dans beaucoup de projets. Là, ils ont assisté à beaucoup de spectacles, elle a vu des. C'est ça. Mm. Mais des fois, ça donnait une chose. Une fois, elle m'a demandé, je me rappelle très bien, la chanson, quand je travaillais avec le projet 5x5 au Petit Champlain, oui. Il y avait quelqu'un qui chantait Mommy dans le spectacle qu'on montait, puis elle assistait à la répétition. Puis je me rappelle, sur le chemin d'école, elle me dit, maman, je te verrai la chanter, cette chanson-là. Puis je dis, c'est intéressant que tu me dises ça, mais puis moi, ça, c'est quelque chose qui trottait dans ma tête depuis déjà un moment, mais je la trouve encore trop petite. Je dis, je veux la chanter, mais si je la chante, je la chante avec toi. Et donc, elle a commencé à être en âge pour l'apprendre, fait qu'elle a commencé à la chanter à ce moment-là. Oui. Elle commençait à être assez vieille pour porter quelque chose comme ça, puis donc on la chante depuis un certain temps. Donc, elle avait, oui, je parle de toi comme si tu n'étais pas là, mais oui. Elle, ouais, elle avait... je me sens un petit peu pas inclus. C'est parce que tu risques de ne pas vouloir répondre à cette question-là. Elle avait un instinct musical très jeune. Ah, je l'avais! Mais tellement, là! Non, mais c'est vrai. Non, elle a demandé à suivre des cours de violon, elle avait 3 ans. J'ai dit, on va attendre que tu aies 4 ans. Ah, c'est bon. C'est comme, donc non, elle avait une envie de faire de la musique très très jeune. Ça c'est clair là. Ça c'était. Mais de là à ce que est-ce qu'elle veuille en faire professionnellement, est-ce qu'on va travailler ensemble, c'est pas la même chose du tout. Elle aurait pu vouloir faire complètement, autre chose ou avoir envie de faire quelque chose qui est tellement développer ses projets mais pas avoir envie de participer au mien, ça aurait été possible aussi. Puis ça aurait, tu sais, c'était très. Fait que ça, tout aurait été possible là. Donc c'était pas évident que j'allais travailler avec elle, non. Ça donne une belle collaboration, oui. Qu'on va entendre encore dans la soirée. On va t'entendre d'ailleurs en solo un peu plus tard. Pour l'instant, on a fermé les lots à 19h. Entre autres, Namasté à 55$, le lot numéro 34. C'est terminé, il est trop tard, fallait miser avant. Ou bravo si vous avez remporté la mise. Le lot numéro 8, Dojo Sekai, enfin, c'est fermé à 45$. L'animation, co-animation de la boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschaines, 150$. Le lot numéro 38 qui était au casse-croûte Pierrot, c'est fermé à 20$. Le lot numéro 54, c'est Mon quartier en boîte, c'est parti à 25$. Le 64, l'autre boîte à pain, 55$. Le numéro 66, c'est un certificat cadeau chez Os du poulet pour 110$ en don à CKRL. Et le 90, un certificat cadeau d'une valeur de 100$ à la pharmacie Brunette, c'est vendu 100$. Voilà. Bravo. Pour ces lots, il en reste de moins en moins. Vous nous suivez pour ce qui est des prochaines fermetures. Les prochaines, on les a annoncées. Ce sera à 19h15. Alors, ça se bataille fort au téléphone. Oui, et pendant qu'il va y avoir une performance, ce serait bien que vous fouilliez en écoutant la radio, en écoutant la chanson, que vous fouilliez dans les lots qui restent. Ça part très vite. Oui. Et nous, on a un objectif en tête. CKRL a besoin de vous. Il y a 42 000$ à aller chercher. C'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir. On s'amuse pas à faire des radiotons pour se rencontrer le dimanche soir. On s'amuse. Moi, je suis heureux, je rencontre des artistes que j'adore, mais on a besoin de cet argent-là pour que vive cette radio-là. C'est important. Aidez-nous, allez-y, fouillez sur le site, faites des cadeaux, impliquez-vous pour CKRL, faites des dons. On veut que cette radio vive longtemps. Elle est une fierté, elle est d'une grande qualité, elle est importante. Soyez-y, s'il vous plaît. On a jusqu'à 9h et moi, je ne peux pas croire qu'on ne pourrait pas atteindre ce 42 000$. Alors, tout le monde, on serre les coudes, on y va. Ouais. C'est très bien dit, très, très bien dit. On dirait que c'est pas votre première fois. Et tel que promis en prestation pour cette émission de fermeture du Radioton 2018, Lou-Adrienne Cassidy avec Vincent Gagnon au piano. Il pleut des oiseaux morts au bord du Saint-Laurent. Le soleil se lève lentement. lentement. Il pleut des oiseaux morts en temps de rose et blanc. Je cherche le sommeil, je poursuis le temps. Il pleut des oiseaux morts sur la rue Saint-Joseph. Tout est fermé depuis 2 heures. Il pleut des vieux espoirs, des désirs en relief, du temps perdu pour rien. On fait quoi à cette heure? Voler plus haut, voler plus loin, voler où je ne pourrais pas vous suivre. Un peu plus loin, un peu plus chaud, un peu plus loin pour que je vous suive. Il pleut sur le matin, une odeur d'amertume, un arrière-goût de solitude. Il pleut sur le matin, le marteau et l'enclume martèlent dans ma tête une certitude. Il pleut les idées noires, des milliers de passants figés dans le ciment, le regard absent. Courez plus loin, courez plus fort, courez où je ne pourrai pas vous suivre. Un peu plus loin, un peu moins mort, un peu plus loin pour que je vous suive. Adriane Cassidy, qu'on vient d'entendre, accompagnée de Vincent Gagnon au piano dans cette émission de fermeture du Radioton. Et d'ailleurs, à 19h30, les prochains lots seront fermés. Le numéro 11 des BD de la boîte à diffusion. Et on a un lot de 5 BD pour célébrer le 60e anniversaire des Schtroumpfs. Ah. Vous êtes des fans des Schtroumpfs? Et misez là-dessus, ça se ferme à 19h30. À 19h30, on va fermer le lot numéro 18, l'abonnement double, pour premier acte. Moi, je suis une fan aussi de premier acte. Je vais régulièrement. C'est pratique, c'est à côté de chez nous. Mais c'est aussi que c'est là qu'on va voir les nouveaux talents, les gens qui sortent du conservatoire. Il y a souvent peu de moyens, mais mon Dieu, quelle boîte à idées que premier acte. Allez-y. Le lot numéro 28, on en parlait tout à l'heure, l'hôtel Château Laurier, forfait couette et café. En occupation double, c'est le temps de miser parce qu'on ferme le lot à 19h30. Le lot numéro 32, La Rotonde, notre boîte de danse, une paire de billets pour Solitude du Haut, Daniel Léveillé. On va fermer le lot numéro 42 aussi, le Festivant forfait familial pour 2 adultes et 2 enfants pour l'édition 2018. Et le 50, 2 massages sur table avec Amassan, 2 massages de 90 minutes. Oh, alors sommiser là-dessus, parce que ça aussi, ça bataillait quand même assez fort. On va fermer le lot numéro 59, Parc Canada. Alors, une description et des billets pour le grand tour, visite guidée du lieu historique national de Fort et Château Saint-Louis, des visites guidées pour le lieu historique national des fortifications de Québec, avec des cadeaux comme un sac à dos, bouteilles d'eau réutilisables, courant des bois, des livres, etc., etc., etc. Le lot numéro 68 sera fermé. L'Anglicane, une paire de billets pour Vincent Vallière, Bellflower et Daran. Alors, il y a... Ça une belle fait programmation, ça. Très belle programmation. Vous avez vraiment trois soirées extraordinaires dans une salle qu'on adore, qu'on aime. Et finalement, le lot numéro 86, c'est un certificat cadeau d'une valeur de 100$ au restaurant. Le pot de vin. Et ça, c'est à 19h30. Ce sera trop tard. Final bâton pour ces lots d'encan. Et moi, j'en profite pour vous glisser un mot sur le lot numéro 23. Là. Faites-vous en pas, le ferme pas tout de suite. C'est la co-animation avec l'animateur Michel Dubois qui fait l'émission Rue d'Auteuil. Si vous aviez vu ou si vous étiez là vendredi soir ici, c'était plein à craquer. Michel Dubois qui nous trouve toujours un super groupe de Québec qui vient nous faire des chansons, des compositions, des interprétation et il amène vraiment son lot de gens. Et d'ailleurs, cette semaine, Michel Dubois était l'animateur de la semaine sur la page Facebook de l'Association des radios communautaires du Québec. Et quand on m'a demandé, Tania, de qui tu veux qu'on parle de CKRL, mais là, je voudrais bien parler de tout le monde, c'était difficile, mais le travail que Michel Dubois fait avec les artistes, avec ses auditeurs, avec ses fans, c'est magnifique depuis déjà 25 ans. Et il y a un lot. Vous avez la chance de co-animer une émission. Vous choisissez des sélections blues avec lui et vous voyez tout le processus. Vous assistez à l'émission en studio et des fois, c'est gênant de parler à la radio, là, mais à CKRL, on prend tout le monde. N'hésitez pas. Donc, vous avez envie de le faire, vivre un trip de radio. Misez, c'est encore à la mise de départ sur le lot numéro 23. C'est le lot de Michel Dubois. Et je vous parlais des médias sociaux. Et on est à la page, hein, avec les 42 000 $. Ça nous aide à faire ce grand virage numérique. Jessica Leb, toi, t'as jeté un œil aux réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'on va dépasser là, 5 000 likes ce soir? Ben, il va falloir une mobilisation générale quand même pour ça. 4674 j'aime. Ah, mais ça là, monte attends, tranquillement ça, quand ça même. Augmenté. Invitez vos amis. Il y a des gens, des fois, qui nous écoutent, qui se disent, j'ai même pas encore aimé la page de CKRL. C'est le moment où jamais on veut atteindre ce 5000 j'aime. On a des concours hein, assez régulièrement. Donc, oui. N'hésitez pas à aller aimer la page pour ça. Exact. C'est tout bénéfice d'aimer CKRL, même sur Facebook. Quelques commentaires d'auditeurs qui nous encouragent sur les réseaux sociaux? Oui, vas-y. Alors, on a Lucie Trépanier qui a passé d'ailleurs la fin de semaine à CKRL pour assister à des émissions, parce que je vous rappelle que vous êtes les bienvenus ici au 405 3e Avenue, et encore ce soir, hein, jusqu'à 21h. Si vous voulez connaître le chiffre final, c'est encore le moment de venir. Alors, Lucie nous dit, merci à CKRL 89.1 de cultiver la diffusion de la culture d'ici et d'ailleurs, une station très diversifiée qui génère de rendre accessible, l'écoute de notre diversité culturelle. N'oublions pas le bénévolat, tout le bénévolat qui est fait à cette première station radiophonique francophone en Amérique du Nord. Bonne écoute. C'est un beau message. Wow, merci beaucoup. Également Géraldine Sénécal qui fait un commentaire sur les enfants qu'on a reçus aussi pendant ce Radioton de CKRL. Il y avait quand même deux émissions animées par des enfants ce matin, les élèves de l'école Saint-Fidèle pour Saint-Fidèle au poste, et puis hier le Machin Club. Ouais. Alors Géraldine nous dit, quelle belle expérience, quels beaux invités, quelle magnifique journaliste animatrice en herbe, des quasi-pros. On a Jacques Boucher qui rajoute, vous avez été fabuleuse et très professionnelle pour les filles du Machin Club hier. La relève radiophonique est assurée. Oui. Merci aux adultes qui les stimulent de manière si positive. Et pour l'encan aussi, on a des messages qui nous viennent de loin. On pense qu'il faut être seulement à Québec ou dans la région pour miser. Mais c'est faux. Il y a des gens qui misent de loin. Alors, on a Émilie de la Gaspésie qui dit qu'elle a bidé pour la première fois. Elle espère l'emporter. Il faut être à l'écoute de cette émission de clôture pour le savoir, bien sûr. Donc, oui, si on est à l'extérieur, on peut miser, par exemple, sur les billets de festival, sur les châteaux Laurier, Quoi et Café. Donc, nuit d'hôtel, restaurant, lors d'une prochaine visite à Québec, ça peut servir. Jessica Leb, merci beaucoup. On continue d'encourager les gens à aimer notre page Facebook. Salutations à la Gaspésienne qui nous écoute et qui vit. C'est un bel exemple, c'est ça? C'est que la radio communautaire, il y en a partout. Et maintenant, grâce à Internet, on peut l'écouter de partout. Oui. Donc, c'est un média pour connaître aussi les artistes qui de tout niveau d'ailleurs. Il y a Paul André Cassidy qui est ici, qui a toute une carrière, Lou qu'on commence à connaître. Alors c'est un bel exemple de tout ce qui peut tout, oui. ce qui peut, tout ce qu'on peut entendre à CKRL. J'ai oui. une amie qui est rendue à Montréal, qui était à Québec avant, puis maintenant, elle continue de télécharger le palmarès de CKRL. Pour elle, c'est sa référence. Elle dit, je n'en ai pas trouvé de meilleur. Ah, c'est donc, mais voyons, je suis contente. Oui. Ben ça, c'est le genre de commentaire qui nous donne envie de continuer. Et quand on voit aussi que les gens ont misé des lots qui ont été fermés à 19h15, Pow, c'est parti à 85$ le numéro 10. Le 24, les éditions Alto à 75. Le numéro 37, l'Express du Sud est parti à 40$. Le 41, les éditions à lire à 50$. Le 45, Bugel, c'est parti à 55. Le 53, Domaine Forgette, 75$. Le 56, certificat cadeau chez IGA, jeu bidon, 100$. Le 62, Pâtisserie Simon, 55$. Et le 88, Sushi Niki est parti à 70$. Il y a plein de gens qui ont compris le principe, qui misent un peu plus haut ou au moins au niveau équivalent au don, au niveau de la mise. Bravo, oui. C'est ça le principe. Il s'agit de faire deux choses. Oui, d'acquérir quelque chose, un lot, mais aussi de donner à CKRL. Oui. Alors, le don supplémentaire ou le don point, on s'en fout, mais donner, c'est important. Et Paul-André, on te fait chanter, mais on te fait choisir aussi des chansons. Oui. Et là, on t'a demandé qui tu voulais entendre et qui t'as choisi. J'ai choisi Mercedes Osav. La chanson Gracias a la vida, qui est une chanson de Violeta Parra, qui est une chilienne, mais c'est une Argentine. Ce disque-là, le disque live, là, In Vivo en Argentine, c'est un disque que j'écoute là, depuis, ça doit faire 30 ans là, que c'est reste dans mes top 10 puis que je continue de l'écouter. Puis c'est vraiment une chanteuse emblématique là, de l'Argentine puis de l'Amérique du Sud en général. C'est vraiment une très, très grande chanteuse. D'ailleurs, on va en profiter pour parler de ta carrière là-bas un peu plus tard, mais pour l'instant, on écoute ta sélection musicale. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma. Del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Des applaudissements qui ressemblaient à ce qu'on a eu toute la fin de semaine avec nos émissions ici, en direct au 405, 3e avenue. Paul André, je te laisse l'accent. C'était Mercedes Sosa qui chantait « Gracias a la vida ». C'est beaucoup plus gracieux quand c'est dans toi qui dis ces mots. Merci beaucoup, Paul André. Tu restes avec nous. On oui. est à mi-chemin dans l'émission de fermeture du Radioton 2018. Encore beaucoup de l'eau à fermer. Alors, restez à l'écoute du 89.1. On est là jusqu'à 21h15. Ce qui signifie qu'on est à la moitié de cette émission de fermeture. On a 90 minutes de fait, il en reste 90 minutes encore. Et on sort des chiffres rapidement ces temps-ci. On est rendu à alors, combien? Sur l'objectif de 42 000, il faut le dire parce qu'il faut l'atteindre, il faut même le dépasser. On est rendu à 38 334 $. OK, OK. Alors, ça pousse. Ça monte. Vous continuez de faire des dons sur notre site ckrl.qc.ca par PayPal, mais surtout, vous misez pour une dernière fois sur les lots suivants. Le numéro 4, musique de chambre à Sainte-Pétronille, c'est un abonnement double pour les 6 concerts. La programmation était 2018. Le lot numéro 13, un lot de BD de mécanique générale. Ça, la BD, c'est comme ce 9e art qui est comme en période de floraison, de redécouverte. C'est le festival. Québec BD. Tout à fait. Alors, je suis présidente du festival Madame Québec la BD. Présidente. Ben oui, je vais le dire. Alors, allez voir le lot numéro 13. J'ai de mieux de miser. C'est la présidente qui vous le dit. Je dis absolument n'importe quoi, mais d'après moi, c'est un des premiers sur lequel on a mis des mises, ou presque, le 21 Festival de la chanson de Tadoussac. Là, on est rendu à enfermer un premier. 2 passeports, la tournée. C'est une valeur de 160 $. Et en même temps, vous pouvez faire un don pour CKRL. C'est le temps de miser sur le 21 qu'on va fermer à 19h45. Le lot numéro 25, les éditions Alto, des histoires déjantées. Il y a 4 livres des éditions Alto qui se sont fait une place, les éditions Alto, dans le monde de l'édition au Québec. C'est assez extraordinaire ce qui se passe là. Alors, ce lot sera fermé tout à l'heure. Dépêchez-vous. Le numéro 30, les presses de l'Université Laval avec une sélection de 4 ouvrages sur l'histoire du Québec. Le 47, abonnement double de saison au Trident. Ça, c'est un beau cadeau à se faire. Allez, allez, vous avez 15 minutes encore pour miser là-dessus. Hey, y a-tu des bonnes pièces en plus dans la dernière saison? Ceux qui l'ont acheté cette année, je pense qu'ils ne regrettent pas leur choix. On va fermer le lot numéro 83, pardon. C'est les le Grand Cru. Donc, véritable champagne de la maison Baron de Rothschild. Ça vaut la peine si vous êtes amateur de champagne. C'est Brasserie Inox sur la Grande Allée. Certificat cadeau d'une valeur de 100$. Et finalement, le 91, encore une fois, un certificat cadeau de 100$ à la Pharmacie Brunet de la 3e Avenue. Sérieusement, de la pâte à dents. Vous allez en avoir besoin toute l'année. Pourquoi pas en profiter pour faire un don en même temps à CKRL? Tania, des belles petites crèmes. Ah, ouais. tu sais, petite douceur, des petites choses agréables. Ouais, ça j'aime ça, par exemple, les cosmétiques. Bon, ben, tu vois, ça vaut à peine, là, bon, le numéro 91. Je vais aller miser, ça y est. Mais il y a quelques lots aussi. C'est toujours un don pour CKRL, mais il y a aussi le côté business. Hein? Je ne sais pas si vous avez lu le livre « En as-tu vraiment besoin » de Pierre-Yves McSween. Il essaie vraiment de nous faire économiser. Et là, on flaire de bonnes affaires dans l'encan de CKRL, entre autres avec le lot 31, la rotonde. On est encore à la mise de départ. Ça veut dire que vous l'avez à 50% si vous misez dès maintenant. Vous pouvez ouvrir le bal. Le lot ne sera pas fermé bientôt, en tout cas avant 21h, mais vous pouvez le faire dès maintenant. Même chose si vous avez envie d'acheter pas cher vos passes pour Woodstock en Beauce, le lot numéro 81. Pas encore misé là-dessus. Non. Woodstock en Beauce, ça part d'habitude. Hein? Il y a quelqu'un qui n'a pas écouté l'émission encore pour moi, parce que d'habitude, ça part forfait 4 jours pour 2 personnes. C'est extraordinaire. Ben, moitié prix. Ça vaut la peine et toujours un don pour CKRL. Il y a le lot 49 aussi, la Ninkasi, qui nous offre un lot de bières de garde. Donc, c'est des bières qu'on a fait vieillir. Elles ne sortent pas de l'usine directement, mais on les a conservées. Donc, un spécial bière qui comprend des 3 pistoles, du millésime, parce que oui, avec la bière, on peut aussi le millésimer. 2012-2000... Vous n'avez pas aimé mon millésimé? Mon millésimé? L'année de production de 2012-2014 et l'année en cours aussi au format de 750 ml pour consommation sur place. Donc, vous y allez en gang, hein, pourquoi pas? Et vous avez la chance de déguster ces produits-là qui sont faits ici et qui sont gardés. Donc, on est vraiment dans un autre genre de consommation en mode dégustation de bière. Ça, c'est le lot 49 de la Ninkasi et vous pouvez l'avoir pas cher. Puis, il y en a un autre lot qui n'a pas encore été touché. C'est les éditions Michel Lafond. Player One, Son dernier souffle, Si tu t'éloignes de moi, 3 livres. Alors, un petit coup d'œil là-dessus, là, si vous voulez, il y a une belle affaire à faire. Oui, Player One, d'ailleurs, c'est le livre qui a inspiré le film de Steven Spielberg. Ready Player One. Et, amateur de science-fiction. Moi, je suis une amateur de science-fiction. C'est vrai? Oui. Non, je savais pas ça. Ah oui, depuis toujours. J'ai commencé à lire avec au cégep, Asimov, toute cette série-là. Puis je continue à lire de la science-fiction. J'ai toujours, toujours aimé ça. Et on dirait des fois que la science-fiction se rapproche de la réalité, entre autres avec les réseaux sociaux. Des fois, ce qu'on voit, là, en tout cas, moi, je trouve ça bizarre. Jessica, c'est extraordinaire comme lien, là, vraiment. J'espère que les auditeurs ont apprécié passer de la science-fiction aux réseaux sociaux. C'était peut-être pas mon meilleur. Non, c'est très exemple, bien. Celui-là, mais sur 3 heures d'émission, des fois, on prend des raccourcis un peu. Jessica, il y a des gens suite à notre nomenclature de commentaires, des gens qui nous ont écrit sur la page toujours, de CKRL. Toujours, hein, les gens sont très encourageants dans ces dernières heures de Radioton. Nous sommes à 4678 mentions j'aime. On s'approche de ce 5000. Ah, donc, ça monte. C'est une bonne nouvelle, effectivement. On a reçu un message, d'ailleurs, quand Paul-André Cassidy parlait de son ami à Montréal qui continuait d'écouter CKRL, ben, il y en a une autre qui s'ajoute, qui nous dit Marie-Josée Gagnon, même à partir de Montréal, je n'ai jamais abandonné CKRL et j'aimerais saluer particulièrement Agnès Maltais pour sa fidélité exemplaire tant au niveau communautaire que politique. Merci et bien sûr, merci à tous les artisans de CKRL. Bravo. Ouais. C'est gentil. Ben merci, mais fidélité égale du côté de cette dame qui écoute CKRL là-bas. Ah oui, depuis très très longtemps, on la salue. D'ailleurs, elle a misé en fin de semaine, on a pu lui parler au téléphone parce que c'est pas terminé les mises, vous le faites encore au 418-640-2575 et là, c'est le moment où les téléphonistes en studio, ils ont de la broue dans le toupette. Sérieusement, l'expression oui. n'a jamais été si bien utilisée que dans l'émission de fermeture du Radioton. Parce que là, il reste peu de temps. Oui. Il est déjà 19h38, on sait qu'on finit à 21h, oui. il y a encore des lots, ça va partir. Vous savez, à un moment donné, le mouvement s'accélère, les gens disent « on vous suit plus ». Mais voilà, alors allez-y maintenant, promisez maintenant parce qu'à un moment donné, vous allez voir, ça décolle et il y a comme une espèce de frustration. On ne veut pas que vous finissiez un beau dimanche soir frustré. Ben non. Alors, vous y allez, vous choisissez, vous misez, puis si vous ne l'avez pas, vous nous faites un don. Exactement. Donc, vous aviez déjà un budget en tête à donner à CKRL. C'était déjà fait là, dans votre Excel de budget. Il y avait une partie don à CKRL, mais faites-le justement à ckrl.qc.ca si jamais vous ne remportez pas votre lot. Et passez nous voir. Hein. Vous êtes en auto, là, arrêtez. Il y a de la neige, là, mais il y a quand même du stationnement dans la rue. 405 3e Avenue, et vous allez pouvoir attraper pour l'André Castillon en prestation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre cette fois-ci? Beluga de Sophie Antille. Tu voulais pas d'enfant, tu me l'avais dit 100 fois. J'ai adopté un beluga. Dans l'aquarium hier, il a fait ses premiers pas. J'ai pris des photos, tu verras ça. Quand j'ai été le chercher, toi tu t'en souviens pas. Ils étaient une dizaine, mais ce petit beluga, à travers la vitre souriait, un peu comme toi. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Je te disais, attends voir à quel point tu l'aimeras, et dans pas si longtemps que ça. Il ira à l'école, ses cahiers sous le bras, et puis dans son bulletin, il n'aura que des A. Et même si c'est des C, et même s'il n'y a pas de bras, on l'aimera autant notre beluga. Tu voulais pas d'enfant, t'as plus voulu de moi quand j'ai adopté un beluga. Dans l'aquarium hier, il a demandé son papa. J'ai pas su quoi lui répondre, moi. Tu voulais pas d'enfant, tu me l'avais dit 100 fois. J'ai adopté un beluga. André Cassidy avec Louis-Adrien à la voix et Vincent Gagnon au piano. On a fermé des lots à 19h30. Alors, si vous avez misé ces montants, reconnaissez-vous le lot numéro 11 à BD Boîte à diffusion, $75. Le 18, premier acte, est parti à $230. Le 28, un des couettes et cafés du château Laurier, $150. Le 32, des deux lots de la rotonde, est parti à $35. 42, le festival à $75. 50, Amassan est parti à $130. Ouais, 59, Parc Canada à $150. 68, l'Anglicane est parti à $115. Et le 86, le pot de vin est parti à $65. Paul André, tu as fait une chanson de Sophie Anctil. En fait, c'est la deuxième que tu chantais. Et j'aimerais que tu nous parles de cet auteur de Québec dont tu portes les mots depuis longtemps. Oui. Mais on dirait qu'on n'entend pas parler de cette femme. Qui est-elle? Pourquoi tu la chantes? Bien, je la chante... En fait, on a commencé à chanter à peu près au même moment. Puis au départ, je trouvais qu'elle écrivait vraiment très bien. Je trouvais que c'est admirable ce qu'elle faisait. Mais puis je chantais pas ses chansons. Sauf que moi, je me promenais à l'extérieur. J'allais beaucoup à l'extérieur. Puis elle, à un moment, elle arrêtait de chanter. Puis là, je trouvais ça dommage que ses chansons ne vivent pas, soient pas entendues. Puis même au départ, je pense que j'ai commencé à chanter ses chansons quand elle chantait déjà encore un peu. Mais comme elle voyageait pas beaucoup, je me disais, si j'avais chanté juste ici, je me serais sentie usurpatrice de prendre son répertoire, puis on aurait été comme un peu, je lui aurais volé son répertoire un peu, ça aurait été un peu étrange. Mais comme j'allais ailleurs, je me disais, ben là, je deviens une ambassadrice, ça devient autre chose, c'est un peu plus intéressant d'être ambassadeur qu'usurpateur. Fait que je trouvais que c'était un peu plus intéressant, là, comme, puis je trouvais qu'elle a une parole tellement vraie, elle a vraiment une écriture qui est unique. Puis des images surprenantes, son histoire là du beluga, tu sais, c'est fantastique. Ouais. La chanson À soir aussi là est quand même que je chante depuis très longtemps, est une chanson qui est tellement forte, qui est pour moi c'est un grand tango là, puis c'est vraiment une chanson qui est une espèce de vague. Puis c'est des chansons que ça fait longtemps que je chante, mais enfin À soir ça fait longtemps que je la chante, Beluga pas tant que ça. Je l'ai repris, c'est une chanson que j'avais chantée il y a un certain temps, que j'avais laissée de côté, j'avais pas trouvé vraiment la version que je voulais. Puis je suis arrivée à la version que je voulais quand j'ai commencé à chanter avec Lou, en fait. Quand j'ai commencé à la chanter avec Lou avec le deux voix, tout d'un coup, je trouvais que j'amenais l'espèce de, des fois c'est pas grand-chose hein qui fait qu'on donne l'éclairage de la chanson qui fait qu'on atteint ce qu'on veut atteindre. Ouais. Je trouvais j'amenais l'espèce de couleur là, de, je sais pas, le lien familial qu'il y a dans la chanson. En tout cas, ça portait quelque chose avec les deux voix aussi. Je pense que ça faisait sortir plus l'espèce de côté, une mélancolie, puis un côté un petit peu liquide, aquatique là, de ça. Je pense que les deux voix qui sont fluides ensemble amenaient un peu ces images-là, puis les faisaient plus vivre. Est-ce qu'elle écrit encore, Sophie Anctil? Non, elle a arrêté d'écrire. Enfin, je crois. Je crois qu'elle a arrêté d'écrire aussi. Elle écrit peut-être en secret. Donc, elle n'écrit pas pour toi, non, par exemple? Non, elle n'écrit pas récemment une nouvelle chanson. Peut-être qu'elle écrit en secret, mais non, je pense c'est qu'elle dommage a... C'est dommage que cette voix se soit éteinte, mais ce serait intéressant si jamais elle reprend. Peut-être qu'un jour, ça reviendra. On peut le souhaiter, on peut l'espérer, parce que c'est sûr qu'elle a vraiment une écriture très, très particulière. Mais t'as mentionné tango tout à l'heure et on a parlé d'Argentine aussi. Je sais que tu vas faire des spectacles là-bas. Je veux qu'on en parle, mais avant, on doit fermer des lots. Mais encore, à 20h, il y a les lots suivants qui seront fermés. Le numéro 7 d'Ojo Sekai, alors c'est pour adieu, du moins pour grand, donc 13 ans et plus. Alors vous pouvez miser dès maintenant parce que à 20h, il sera trop tard. Le 12, alors profitons de la popularité des BD. On dit que c'est le festival, mais il y a aussi des belles offres ici. Aux Éditions de l'Homme, un lot de 4 bandes dessinées. Il y a le numéro 35 aussi qu'on va fermer, Namasté. C'est un forfait de 5 séances. Si vous n'avez jamais essayé le yoga, là, c'est très à la mode. Mais il y a des bonnes raisons pourquoi c'est à la mode. Parce que ça fait du bien, ça replace la colonne, ça replace le cou, le dos. Hein, on a tous mal au... Qui n'a pas mal au dos ici? Personne n'a levé la main. Tout le monde a mal au dos dans la pièce. Donc, le yoga, ça aide. On devrait tous y aller, d'ailleurs, après. Mais le mental aussi. Donc, misez ça. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir en même temps. Le numéro 39 va être fermé tout à l'heure. Alors, dernière chance pour les éditions à lire. Un classique de la science-fiction québécoise. Les 5 tomes du roman L'oiseau de feu de Jacques Brossard. Profitez-en. Si vous êtes un peu amateur de science-fiction, toute une série extraordinaire. Il y a le lot numéro 60 aussi de Télé-Québec, qui est toujours un très bon partenaire du Radioton. D'ailleurs, je me suis fait plaisir. J'ai parlé une heure avec la journaliste Noémie Mercier dans l'émission qui fait partie de l'émission Dans les médias. Mais il y a aussi un lot qui nous est offert. Il y a les 3 livres de La cabane à sucre au pied de cochon pour le sirop d'érable. Il y a La cuisine futée aussi, le livre de recettes. Et en as-tu vraiment besoin? De Pierre-Yves McSween, hein, j'en parlais tout à l'heure. Il y a aussi un sac réutilisable pour contenir le tout. Le lot qui va être fermé aussi, qui est extrêmement important, c'est, attention, lot 73, la joaillerie Zims. Oui. Écoutez, ce sont des très grands joailliers de Québec, toute une famille, mais c'est aussi des gens très impliqués. Alors, ils vous ont offert 2 lots. Il y en a un des deux qui est fermé dans 15 minutes. Attention, amateurs de bijoux ou de cadeaux, couvrez-le de bijoux. Oui. Point final. 89, certificat cadeau d'une valeur de 100$ de chez Sushiniki. On va le fermer aussi à 20h. Le 87 va être fermé. Le 87, le restaurant Pot de Vin, un certificat cadeau d'une valeur de 100$. Et le 51, Parc Québec, qui est encore une fois un partenaire de longue date. On y va cette fois-ci avec deux couchers en prêt-à-camper sous tente Utopia avec des activités découvertes à 20h. Et ça aussi, c'est un lot ça, qui ça, c'est un lot c'est très populaire. Une grosse bataille. Et les tentes Utopia, c'est le fun. C'est... Oui. Alors, surveillez ça. Si ça vous tente de miser, là, vous avez encore un petit 15 minutes. Nos téléphonistes vous attendent. 640-25-75. Je veux juste dire que Mme Altais ne regarde pas la feuille pour dire le numéro de téléphone. Elle le connaît par cœur. Et en musique, maintenant, une autre sélection musicale pour André Tire le Coyote, qui a été porte-parole de l'événement, d'ailleurs, Narcisse de Québec, que tu apprécies. Oui, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Puis là, j'ai choisi Calfeutrer les fêtes. J'aime beaucoup cette chanson-là. Puis justement, cette espèce d'élan-là, justement, d'aller vers l'île d'Orléans quand on... Pour calfeutrer des fêtes, je trouve l'image tellement, tellement belle, là, partir là. Puis c'est vrai qu'on quand on part là, on revient neuf. Là. Donc, c'est vraiment... Bon, ça y est. J'ai ma fille qui a le sens du calembour un petit peu trop aiguisé et qui me reprend ça parce que partir là, mais partir le coyote parce qu'on l'appelle tire le. Partir là. Non. Parce que c'est son petit nom à Tire le Coyote. Oh. On l'appelle Tire-le. C'est Tire-le. Son prénom. On sait que s'appelle Tire le Coyote, c'est que son prénom, c'est Tire-le. Bien évidemment. Donc, on avait tous compris ça. Alors, ce cher Tire-le chante tellement bien cette chose-là. La sensation comment on peut se réparer en allant simplement voir l'île d'Orléans, voir ces paysages-là. Je trouve ça magnifique. Puis j'aurais pu en choisir d'autres, mais c'est la première qui est montée, peut-être parce que c'est justement, je trouve que c'est tellement proche, puis c'est tellement. C'est Québec, c'est vraiment ici aussi là. C'est vraiment un joyau qu'on a tout proche. Et après 3 jours de Radio-Temps, on a besoin de se réparer un peu. Alors c'est pourquoi on va écouter Calfeutrer les failles. Diamant, l'horizon fragile. pris dans le formol, le temps de retrouver ma boussole. J'arrête de crever pour la journée. La beauté, je l'empaille, le temps de calfeutrer. Calfeutrer les failles d'un ancien porte-parole du Radioton, Tire le Coyote. Puis c'est bizarre, hein? Depuis ce temps-là, il est super connu. Ben oui, je l'ai. Il a fait toutes les émissions de télé que je suis tombé dessus régulièrement. Je vois, ouais. Aïe, moi, je l'ai rencontré au Radioton, c'est KRL. Parce que c'est ça, c'est KRL. Et quand on donne pour le Radioton, ben, c'est parce qu'on supporte cette relève, mais Tire le Coyote, non, tire-le. N'est plus de cette relève, mais ça nous fait grand plaisir de pouvoir dire que nous, il a été porte-parole de notre événement avant qu'il fasse Tout le monde en parle. Hein? Bon, c'est sûr qu'après, on aurait peut-être eu plus de visibilité, mais en tout cas. Ouais. non, on est vraiment très fiers de notre choix, là, oui, faites-vous en pas. De toute façon, c'est pas ça le rôle de CKRL. Le rôle de CKRL, c'est vraiment de faire que ces voix si précieuses s'entendent sur les ondes, et puis ça a été bien fait. Voilà. On est fiers de Tire le Coyote maintenant. Très, très bien dit. On a fermé des lots récemment, alors encore une fois, il est trop tard si vous aviez misé sur... Sur le 11, la boîte, les BD de boîte diffusion, $75, c'est parti! Et on a fermé aussi le lot numéro 4 de musique de chambre à Sainte-Pertronille, le numéro 200, le $230, voilà. Le 18, premier acte, et voilà, trop tard, c'est parti à $230. Numéro 13, quelqu'un qui va lire des BD de Mécanique Générale pour $75. Le 28, au Château Laurier, la chambre à $150 est partie. La bataille de Tadoussac, cette grande bataille, le lot numéro 21 s'est fermé à $125. Le 32, la rotonde Solitude est partie à $35. Le numéro 25, les éditions Alto, c'est parti à $75. Le 42, Festivant est parti à $75. On est d'une efficacité redoutable, n'est-ce pas, Tania? Très efficace. Le numéro 30, les éditions Laval, $150. Le 50, Amassan est parti à $130. Le 47, Trident, $310. On lâche pas. Le 59, Parc Canada est parti à $150. Le lot numéro 83, des gens vont popper le mousseux pour $90. Et les chanceux, le 68, Anglican est parti à $115. En fait, les chanceux, chanceuses aussi, là. Et j'ai dit mousseux, là, mais c'est champagne. Je veux dire, je veux pas insulter personne là, sur termes, hein, parce que moi, ça m'insulte personne. Moi, c'était l'Anglican avec Vincent Vallière. Bon. Fait qu'on se calme de ce bord-ci aussi. On est bien fiers de ces lots. 85, l'inox est parti à 60. Et le 86, le pot de vin, le resto à $65. 91, Brunet 3e avenue pour papier toilette, pâte à dents, peu importe, les crèmes. Petite crème. C'est fermé dans mon corps. moi je me donne encore une couple d'années, mais je vais pas, en tout cas. $100 pour ce don. Merci. Je pense qu'on va prendre une pause. Ça va faire du bien. On se retrouve après. Ah non, attends un peu. Les réseaux... Écoute, je voudrais faire un peu de science-fiction. Peut-être que la personne qui fait de la science-fiction pourrait nous dire ce qui se passe sur les médias sociaux. Oui. Un petit message pour la route. Ah oui, allons-y. OK. Allons-y. Alors, on le sait, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont venus nous rencontrer pendant la fin de semaine. On a François qui nous dit, à propos de la soirée délinquant punk rock qui avait lieu hier soir au Radioton, merci à tous, c'était vraiment cool. On revient bientôt à Québec, très bientôt. On a Olivier qui nous dit, bon Radioton, je vous écoute site et je fais mon don. Puis on parlait de passionnés qui réalisaient leurs rêves tantôt. C'est le cas d'Audrey Caro, animatrice de l'aérospatiale, qui nous dit qu'elle a un immense plaisir de pouvoir réaliser un rêve de jeunesse tout en ayant pleine liberté dans la manière de rendre cette émission à vos oreilles. Elle prend donc quelques minutes pour nous inviter à soutenir CKRL, dont c'est le Radioton jusqu'à ce soir. Elle a déjà fait son don. Elle vous invite à faire de même. Merci beaucoup, Jessica. Vous aimez la page Facebook, si ce n'est pas déjà fait, et restez avec nous. Il reste une heure à l'émission de fermeture. Cette émission vous est présentée par le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est quoi? Un bouchon, un bistrot d'inspiration lyonnaise, des plats longuement mijotés à partager en couple ou en groupe. Le Renard et la Chouette, une buvette de quartier, cuisine de partage suivant les saisons axée sur les légumes et les poissons. Natoy, restaurant traditionnel vietnamien, l'expérience barbecue, un voyage de l'autre côté de la terre. Trois lieux, une même convivialité. Le Pied Bleu, votre artisan charcutier. Piedbleu.com ou visitez notre page Facebook. C'est la dernière heure officielle du Radioton 2018 et on a un chiffre à annoncer pour débuter cette heure. Et là, cette fois-ci, Paul André, c'est toi qui es responsable. C'est un très beau chiffre. Nous sommes à 40 599 $. Ouais! OK! Alors, on a une heure pour dépasser l'objectif. Oui, c'est faisable, on non est proche. L'atteindre, le dépasser et d'avoir quelque chose d'intéressant à donner à CKRL pour que vive longtemps cette radio qu'on aime. C'est un beau chiffre, mais on n'a pas encore atteint le 42 000 $ et on veut le dépasser. Donc, on donne encore un grand coup, ckrl.qc.ca. Il y a des lots qui seront fermés. Alors, c'est le moment de miser sur le lot numéro 2, qui est Seb's Tea et Lounge, un deuxième ensemble de thé et accessoires pour infusion traditionnelle. Sur le lot numéro 15, des BD variés, lot jeunesse, des bandes dessinée jeunesse. On y va pour le lot numéro 15. Ce matin, j'ai passé une belle heure avec des gens de l'Orchestre symphonique de Québec et la programmation 2018-2019, encore une fois, est magnifique. Le lot numéro 19, c'est un forfait à la carte de 4 billets. Alors, n'hésitez pas à miser dès maintenant parce qu'on le ferme à 20h15. Le lot numéro 23, la co-animation avec Michel Dubois. Tania Beaumont en a parlé tout à l'heure. Elle nous a expliqué à quel point c'était un moment à vivre absolument. Alors, vous avez encore 15 minutes pour réagir. Numéro 27, Commission de la capitale nationale qui nous offre un très gros prix. Alors, une sélection de 15 volumes. Vous misez dès maintenant. Le 43, le festival. Alors, vous avez un forfait familial, les adultes, deux enfants, toute la famille au festival. 15 minutes encore. Le 44, la Maison Jaune, un certificat cadeau de 150 $ pour des cours pour la saison 2018. Toujours très populaire, la oui, Maison vraiment. Jaune. Le 57, LR Cosmétique. C'est des alors, je crèmes, parlais ça. De petites crèmes tout à l'heure. Ben, écoutez, là, ça vaut vraiment la peine. Homme ou femme, vous y trouverez un intérêt certain. Vous allez voir, quand on commence ça, c'est bien difficile d'arrêter. Oui, puis il y a toute une gamme. Ils sont toutes colorées. Ah, ouais, ah, c'est ouais, on sent le fun, les petits produits. Et on sent que c'est la fin quand on commence à fermer les lots des œuvres d'art. Je pensais que Tania allait dire on sent que c'est la fin quand on commence à prendre des petites crèmes. Je trouvais ça horrible. Ouf! Tu non, m'en fais peur. J'allais pas dire ça parce que j'aime trop ça utiliser des petites crèmes. Mais on ferme une œuvre, c'est là que ça commence à sortir la fin pour vrai. Le lot 75, une des œuvres de Cynthia Coulombe-Bégin. Vous êtes passé dans la fin de semaine, vous avez pu les admirer ici sur nos murs. C'est My Story 06, donc 12 par 12 pouces. Vous pouvez miser jusqu'à 20h15. On a fermé des lots à 20h. Oui, on vous l'a dit, ça va vite à un moment donné. Alors c'est parti, accrochez-vous à votre écran, ça va super vite. Radio d'un bord, l'ordinateur de l'autre. On a fermé le lot 7 d'Ojo Sekai, on l'a fermé à 65 $. 12 BD édition de l'homme à 50 $. 35 Namasté a été fermé à 60 $. 39 à lire à 45 $. Télé-Québec, le lot 60 a été fermé à 100 $. Le 73 bijouterie Zims à 235 $. Le 89 Sushiriki a été fermé à 85 $. 65 $ pour le 87, le pot de vin. Et enfin, le 51, le fameux lot de Parc Québec qu'on s'arrache à chaque année, a été fermé à 300 $. Alors voilà, c'est la dernière heure officielle. C'est le temps de faire des dons, c'est le temps de miser. On le dit, si vous avez perdu votre lot, vous aviez un budget, de toute façon, de prévu pour CKRL. Alors faites un don sur notre site ckrl.qc.ca. Il reste encore une heure, vous êtes pas loin, venez non, nous voir. On veut atteindre cet objectif, on veut même le dépasser. Alors venez ici. Oui. Profitez de ce moment exceptionnel qui est cette présence de Paul-André Cassidy, de Lou qui est là, de Vincent. Vincent Gagnon. Vivi! Pendant, je cherchais son prénom. Vincent! Vincent le pianiste vivifiant. qui accompagne beaucoup de gens. On en a fait des blagues tout à l'heure, mais c'est vrai. Oui. Et Paul-André, la prochaine chanson que tu vas nous faire, elle a une histoire particulière. Oui. Vincent la connaissait avant toi. C'est vrai. C'est vrai, parce que Vincent la jouait avec un petit chanteur de Québec qui s'appelle Keith Kuna, que j'aime beaucoup. Et moi, c'est une chanson que j'aimais beaucoup aussi. Puis un jour, il y a Martin Larrivé, qui est un ancien administrateur de CKRL, qui m'a invité à chanter pour son anniversaire. Et c'était une de ses demandes, cette chanson-là. Puis j'ai fait comme, oh, quelle bonne idée, quelle belle occasion de m'attaquer à cette chanson-là que je trouvais vraiment belle, mais que, bon, avant de... C'est toujours délicat de chanter la chanson d'un collègue de la ville, comme je disais. Fait que là, j'ai dit, bon, mais là, c'est une belle occasion, puis j'ai plongé, puis je l'ai faite. Mais c'est pas une chanson, c'est une chanson qui est quand même toute neuve pour moi. C'est une chanson qui a une structure très particulière, donc qui est un petit peu, toujours un peu vertigineuse. Là. C'est une espèce de un grand souffle dans cette chanson-là. C'est un défi aussi de parole, parce que c'est pas couplet-refrain. Ben non, oui, mais non. Non, non, pas du tout. C'est... Non. Ouais. Non. Et c'est, on peut dire le titre? Oui, ça s'appelle Napalm. Alors, on te laisse aller t'installer pour Paul-André Cassidy qui nous interprète cette chanson de Keith Kuna, Napalm. Alors, encore une fois, tout un défi. Et vous l'avez presque en primeur ou quasi exclusivité au Radio Tonti KRL. Dans les frais bocages et les herbes tendres, tes lèvres en bataille et le vent qui brode ses dents sans fine parade sur tes berges blanches. Toucher tes étoiles du bout de la langue, le cœur en cavale sous les palmiers de tes hanches, déchirer la voile, effeuiller le temps. Perdre les pédales, déserter les rangs, semer la pagaille, sauter dans un toboggan, quitter la parade, bousiller ses chances, danser sur la table dans le théâtre qui flambe. Déposer mes armes, baisser mes défenses, les crocs de tes charmes mordent les os de mes jambes, mes chairs en otage et les neiges tombent. Caché dans les tables, allécher le sang, battre la campagne et laisser macérer le temps, déchirer la page, retrouver le monde. Bouffer le cheval, s'arracher le ventre, entrer dans le bal et pousser son chien dans la danse. Ramper dans la vase ou dans l'excellence, reprendre la valse dans le théâtre qui flambe. Comme un long matin où tout recommence, les mêmes chemins et les mêmes numéros de chambre, les mêmes refrains, les mêmes silences. au milieu du bar, au milieu des danses. J'ouvre ma fenêtre et je contemple ton absence, balafré de toi, brûlé à l'essence. Tes restes en image, en sirotant mes vagues à l'encre. Un autre désastre, une autre avalanche, une autre rengaine derrière les barreaux de mes manques. Mes rêves minables, mes châteaux de sable et mes sentinelles qui tirent sur tout ce qui m'évade. Vodka sur le tard, vodka qui fait mal, comme un goût de fer, comme un postillon de cadavre. Chercher la bataille, chercher le mirage, chercher ton fantôme au milieu des ombres qui passent. Plus rien dans les veines, plus rien dans le ventre, que des bouts de peine et ton cœur qui frappe mes tempes. Comme un végétal, une loque qui tangue, je vague en épave dans le théâtre qui flambe. C'était Napalm de Kid Kuna, mais version pour l'André Cassidy. Et moi, j'ai une question pour Vincent Gagnon. Ah ouais? Ben oui, j'ai une question bien étonnante avec ça. Parce qu'on l'a dit, tu accompagnes aussi Kid Kuna, donc tu es habitué de la jouer au piano avec lui. Qu'est-ce que ça fait pour toi quand c'est pour l'André qui chante? Est-ce que tu perds certains repères, par exemple? Ou Ouais, ben premier coup, c'était bizarre parce que... Kuna, c'est un gars qui a que, peu importe ce qu'il fait, il y a toujours un fond de vibe punk, ouais. Quelque chose d'assez vertical dans sa façon de chanter, tout ça, fait que ça fait vraiment que quand on fait cette chanson là avec Kuna, c'est vraiment un côté plus carré. Il aime ça avoir un côté carré dans la musique souvent, tu sais, qui rend le côté cru de ses paroles, etc., puis de son interprétation, tout ça. Puis là, avec Paul André, il fallait trouver une façon plus en vague de faire le truc. Ouais. Puis là, pour moi, c'est imprimé. J'ai joué ça dans des concerts et toutes sortes d'endroits, dans toutes sortes d'états, de façon, tu sais, comme vraiment beaucoup. Oui. Fait que c'était très imprimé. Puis la première fois, je savais pas trop quoi faire avec. Puis là, tranquillement, j'ai laissé ressortir un petit peu le côté jazz que je peux me permettre avec Paul André. Fait que là, on commence à voir de quoi, là. Bon, là, ça se passe bien. Mais merci beaucoup, Vincent. Merci. C'était ma question pour toi. Bon, j'ai essayé la technique relaxante. C'était très bon. On ferme d'autres lots à 20h30. Là, il en reste plus tant que ça, on va se l'avouer. On va fermer le lot numéro 6, les éditions Michel Lafon, avec, entre autres, le livre Player One, Son dernier souffle et Si tu t'éloignes de moi. On va fermer le lot numéro 9, un abonnement fidèle au poste pour une personne au théâtre Périscope. On va aussi fermer un couette et café de l'hôtel Château Laurier, le 29. Et attention, ça paraît qu'on est dans les derniers moments du radioton de CKRL. On va commencer à fermer les œuvres, œuvres picturales. On a le 78 d'Hugo Landry, qui est l'œuvre qui s'appelle Stay Young, qui va partir dans 15 minutes. Il y a aussi ce lot 84 qui est l'atelier et Ophélia. Attention, c'est une boîte cadeau d'une valeur de 200$. Il y a des certificats cadeaux pour aller manger à l'atelier et chez Ophélia. Il y a aussi le livre de mixologie de Patrice Plante. On l'a entendu un peu plus tôt dans la journée. Il était là, il va le dédicacer. Et une bouteille de gin de l'atelier. Donc, c'est vraiment un très beau prix, 84. Et c'est à 20h30 qu'on le ferme. Restons dans les effluves d'alcool. Oui. Le lot numéro 49, les bières de dégustation de la Ninkasi vont être fermées dans 15 minutes. On va également fermer le lot numéro 52, donc la bibliothèque apothicaire qui offre une retraite individuelle de 2 jours pendant lequel on va faire des rencontres de bibliothérapie créative. Donc, vous avez envie de relaxer d'une manière différente que le yoga, par exemple, mais c'est une bonne option. Un lot que j'avais, on va fermer le 70, un lot que j'avais jamais vu encore au Radioton de CKRL. La Folle Galerie, 2 nuitées tout compris pour 1 à 4 personnes à Saint-Roch-des-Aunais. Ouais. Oh, la belle odeur d'été, de champs de fleurs et de bords de mer, de fleuves que je viens d'avoir. Et finalement, c'est le lot 74 qu'on fermera aussi à 20h30. C'est l'œuvre de Fred Jourdain. Vous savez, il avait fait 2 éditions spéciales des affiches de luxe pour le 50e anniversaire du Festival d'été. Donc, l'été dernier, il est juste au-dessus de nous, d'ailleurs. On est dans le teint de noir et bleu. Si vous aimez la musique, vous êtes des fans du Festival d'été ou pas. C'est juste beau. Point final, c'est Fred Jourdain. Donc, on la ferme à 20h30. Alors, ça, vous voyez, le rythme s'accélère. Il y a aussi, évidemment, surveiller sur votre écran, surveiller les dons qui partent, mais il y a aussi la possibilité, si vous avez raté votre don, il y a moyen de donner à CKRL parce que c'est une radio qu'on aime et qu'on veut conserver. Vous donner tout simplement n'importe quoi, un petit montant, un gros montant si vous êtes plus fortuné, mais c'est pas grave. Ça crée aussi un phénomène d'attachement. Oui. Je le dis comme je le pense. Oui. C'est-à-dire qu'il y a comme le geste de s'impliquer, de dire « Elle vit encore un peu grâce à moi, cette radio. » Et c'est super sympathique, vivre ça. Alors, je vous invite, moi, à y aller pour donner, tout simplement. Même ces petits, mais dire « J'y suis. Je fais partie de la gang de CKRL. » Vous aviez raison, Mme Malte. Vous êtes en forme. Oui, je vous l'avais dit en arrivant. Vous êtes en forme ce soir. J'aime ça et on a besoin encore d'énergie parce qu'il reste 40 minutes à ce Radioton 2018. Et tiens, on va rester dans le Kitkuna, oui. Mais justement avec une chanson qui nous donne de l'énergie et qui nous dit que le temps file pour le Radioton. Voici Tic Tac. Égypte, en Syrie, en Somalie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours. Et oui, tic-tac, tic-tac, c'est le son de l'horloge qui nous dit que le Radioton s'achève jusqu'à 21h. On a fermé des lots à 20h15, donc Seb, Sté et Lounge, le lot numéro 2, c'est parti à 125. BD, Variés, Jeunesse sont partis à 50$. Le 19, l'Orchestre symphonique de Québec est parti à 160. Le 23, avec Michel Dubois, est parti à 80$. Ah, ça va être une belle soirée, ça. Le 27, la Commission de la Capitale-Nationale, 250$. Le 43, le Festival en famille à 75$. Le 44, la Maison Jaune, 100$. Les cosmétiques, le 57 est parti à 125$. Imaginez-vous, 125$ de petites crèmes. Et puis c'est la gamme complète. Écoute. C'est la gamme complète des petits masques. En tout cas, 75, l'œuvre de Cynthia Coulombe est partie à 180$. Les mathématiques sont pas ma force, mais d'après moi, on n'a pas 42 000 encore là. Non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Mais c'est encore là, peut-être que je me trompe. Mais il faut l'avoir, oui. Faut le dépasser, c'est important. Il y a quelque chose du signal dans le fait d'atteindre l'objectif et même de le dépasser. Il y a quelque chose d'indice de vitalité, de dynamisme. Alors, on a besoin de vous pour se rendre jusque-là. C'est extrêmement important. Et pour parler de l'interne, pour le vivre de l'intérieur, quand on voit le montant, et oui, on se fixe un objectif à 42 000, mais même si c'était, on avait quoi, là, 40 590, voilà. On n'a pas atteint 41 000 encore. Non, on l'a pas encore, mais quand on reçoit ce chiffre-là en tant qu'employé, en tant que gens de CKRL, on se dit, mais les gens croient en nous pour 40 000 piastres. Et c'est quand même incroyable de se dire qu'un média qui est gratuit, comme la radio, où de plus en plus on ne paie pour rien avec Internet, les gens sont prêts à mettre de l'argent pour croire en notre mission, pour croire en ce qu'on fait, pour qu'on continue de le faire et qu'on le fasse encore mieux. Donc, quand on reçoit, ça peu importe le montant au final, c'est vraiment une grande vague d'amour et c'est plus qu'une tape dans le dos. Genre de tape dans le dos qu'on revole d'un pied là en avant quand on la reçoit. Donc, on continue de donner, d'être généreux et c'est la symbolique derrière ce don-là. Moi, je trouve ça toujours incroyable que les gens donnent 5$ ou qu'on en donne 1000 parce que c'est arrivé pour CKRL. Je trouve ça complètement fabuleux et je tiens à souligner ce travail-là. Les gens, les auditeurs qui prennent le temps de s'engager, là, parce que faut le faire, faut aller sur le site Internet, faut appeler. Donc, qui prennent le temps de le faire et qui donnent pour CKRL. C'est bravo. Oui, Tania aussi, vraiment, il y a un réveil de Tania. J'ai mangé un peu et j'ai pris une gorgée de bière. Là-dessus, on va s'arrêter le temps d'une pause. Et au retour, là, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, c'est le blitz final, le dernier sprint du Radioton 2018. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse de Limoilou et de Première Ovation. Dernière demi-heure de ce Radioton 2018 qu'on commence avec un chiffre. Oui, voilà. À cette heure-ci, là, il nous reste combien de temps? Il nous reste 30 minutes encore. 28. 28 minutes. Bon. Précis. Bon, vous savez qu'il faut absolument atteindre l'objectif de 42 000 $. Oui. OK. Nous en avons seulement 30 minutes pour l'atteindre. Voici où nous en sommes rendus en ce moment. À 43 140! Oh! OK. CKRL a atteint son objectif une fois de plus. Mais c'est pas terminé. Aucun non. Ah non, on a encore. Il faut pas seulement atteindre l'objectif. On l'a dépassé et maintenant il faut bien le dépasser. Et oui, tant qu'à être rendu là, on veut le dépasser comme il faut. Parce que oui, on veut 42 000 $, mais faites-vous-en pas, on en a d'autres des dépenses. Si jamais on a plus d'argent, on va trouver des choses. Plus d'artistes, plus de quoi, plus de tout, plus de diffusion, plus de choses, plus d'idées qui vont pouvoir se mettre en œuvre. Alors, allons-y. Un piano. Vincent Gagnon qui a même dit, c'est commis, m'a dit, Tania, je vais organiser bientôt une soirée bénéfice pour acheter un piano à CKRL. Parce que là, il faut toujours qu'il transporte, tu sais, puis des fois, on reçoit des artistes, puis c'est compliqué quand même de transporter un piano. Donc, voilà. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a un piano qui traîne chez lui, qui a envie de faire un don à CKRL, ça règle réglerait le problème et Vincent aurait une soirée de plus avec lui. Mais non, mais des choses comme l'émetteur, par exemple, la radio, ça a l'air beau avec Internet et tout, mais on a une antenne, nous, sur le complexe G, et tout ça doit être renouvelé et entretenu. Donc ça, c'est des frais qu'on doit avoir. C'est un peu moins sexy hein, que de dire « on va faire des projets », mais c'est la base de la diffusion FM, donc on en a besoin. Et avec le surplus, on va entre autres le mettre dans l'émetteur. Donc vous allez mieux nous entendre. Et pour dépasser encore plus l'objectif, ben il y a des lots encore sur la table. Alors on va, dans 15 minutes, fermer d'autres lots. Le fameux lot numéro 5, qui est la boutique Le Pédalier. Un certificat sport d'une valeur de 300 $. Le lot 16 des comics, donc des comics, là, vous comprenez la distinction. C'est de la bande dessinée variée, donc il y en a plusieurs. Allez voir sur le site, hein, tous les détails sont là pendant que vous regardez le tout et que vous préparez votre mise. Le deuxième lot de passeport du Festival de la chanson de Tadoussac qui va être terminé tout à l'heure, le numéro 20. Vous avez envie d'avoir une paire de billets pour Infinity Donut de la compagnie Cathy Ward le 11 avril prochain. C'est très bientôt à la maison pour la danse. C'est offert par la Rotonde. C'est le lot numéro 31. Regardez votre agenda, là, ça vous tente. Vous pouvez l'avoir pour 25 $ et en même temps, c'est un don pour CKRL. Prenez quelqu'un, prenez une amie, envoyez un petit texto. Il vous reste encore une dizaine de minutes pour miser sur ce lot. Le 69, écoutez, c'est deux laissés-passer pour le festival d'été. Deux laissés-passer pour le festival d'été. Un été en musique. À chaque année à Québec, on est super gâtés. Alors, vous allez chercher ce lot. Tout à l'heure, vous avez 15 minutes encore. Il y a le Pied Bleu qui nous offre un certificat cadeau d'une valeur de 200 $ pour le lot numéro 94. C'est encore le temps de miser. Le 79, une autre œuvre d'Hugo Landry qui est Watch the Sky. Allez voir sur le site, vous allez voir. C'est magnifique. Vous connaissez Hugo Landry sûrement si vous êtes amateur d'art. Il est toujours là pour CKRL depuis quelques années. Moi, je le vois. C'est superbe ce qu'il fait. Alors, le lot numéro 79. Il y a l'œuvre 76, Cynthia Coulombe-Bégin, qui nous offre une autre 12 pouces par 12 pouces. Donc, une petite toile de carré, My Story 07. Donc, elle pourrait être à vous si vous misez avant 20h45. Elle aussi, qui est généreusement ici. Ah, oui, vraiment. Le 81, écoutez... Les passeports pour Woodstock à Beauce sont pas sortis encore. Les gens n'ont pas encore visé dessus. Et je sais que la programmation n'est pas encore sortie. C'est probablement ça l'impact. Mais écoutez, Woodstock à Beauce, il y a toujours des amateurs pour Woodstock à Beauce. Alors, vous avez 15 minutes encore. Et c'est 4 billets et c'est à 60 $. Donc, ça fait 20 $, même pas 20 $ par personne. Non, c'est pas cher. Je sais pas compter, j'ai dit tantôt. 15 ouais. par personne. 15, voilà. Pas cher. C'est pas cher. Envoyez des textos. Misez là-dessus et vous avez tout un deal au profit de CKRL. Ça achève, ouais. Mais c'est pas terminé. On prend encore les dons. On vous le rappelle, ckrl.qc.ca. On a notre bon ami PayPal qui prend sécuritairement vos dons. Donc, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas de petits dons. Hein. On le répète trop souvent. En musique maintenant, on a fait faire des sélections musicales à Paul André, mais cette fois-ci, Loadriane, c'est toi qui choisis. Mm-hmm. Qui t'a choisi? Ben, il y a Lydia Kepinski qui vient de sortir son premier album il y a quoi, 3 jours, 4 jours? C'était comme une surprise, il me semble qu'elle a sorti mardi. C'est arrivé demain, c'est tombé dans la vie. Mais oui, puis moi, je suis bien fan de ce qu'elle fait. Puis j'ai écouté dans les 3 derniers jours, j'ai pas mal juste écouté ça. Fait que je trouvais que c'était une belle... J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a quelque chose, une espèce de force en même temps pas calculée. Il y a quelque chose dans ce qu'elle fait qui me touche beaucoup. Puis j'ai fait des mains bonnes tunes. Fait que j'ai décidé que... Ben, c'est ça que j'ai proposé. Parfait. On va l'entendre, Lydia Kepinski, avec 1er juin. Le loup m'avait vu, ce que je n'ai pas fait, je vais le faire. Car si j'avais tout vécu, sans doute je me serais pendu. Kibinski avec 1er juin, un album qui est sorti comme ça, boum, dans nos vies cette semaine, surprise, et vous pouvez vous le procurer dès maintenant. On a fermé des lots à 20h30. Et ça achève, on va vous dire ce qu'on a fermé, et après ça, il va rester les derniers lots qu'on va annoncer, ça s'en vient. Alors d'abord, ce qu'on a fermé, le 6, les éditions Michel Lafon, c'est fermé à 85$. Le 9, Théâtre Périscope à 225. Le 29, Château Laurier à 140$. Le 78, une œuvre de Hugo Landry, 530$. Le 84, l'Atelier Ophélia, c'est fermé à 150$. Le 52, c'est la Bibliothèque Apothicaire, est partie à 200$. Un bon voyage à Sherbrooke. Le 70, Folle Galerie, est partie à 185$. Et finalement, l'œuvre de Fred Jourdain, 150$. Et les derniers lots, ça veut dire là, qu'on en a nommé comme 90 déjà, ouais, 89, disons. On ferme le numéro 5... Donc, la bordée qui est le numéro 5. C'est pas super bien écrit, là, je vais vous le dire. Regarde, je vais vous annoncer l'autre entre-temps. Le 72 chez Zims va être fermé tout à l'heure. Dernière chance. On va aussi fermer le site de Mon Quartier, donc le numéro 33. On va fermer le 77, la dernière œuvre de Hugo Landry qui va partir. Le 58, le théâtre Labordé, donc l'abonnement simple pour la saison 2018-2019. Et ben le 82, j'aimerais mieux que ce soit toi qui en parle avec notre invité. Oui. La porte-parole. Parce que là, il reste deux lots où, mesdames, vous êtes impliquées. Oui. Alors, on fait ça, nous autres, impliquer les gens dans des lots, dans quand. Le lot 82, c'est un souper pour quatre au Chicho Café. Problème, c'est qu'on peut juste y aller trois, parce que la quatrième personne, c'est Paul-André Cassidy. Premièrement, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que ça te fait peur de penser que tu vas aller manger comme ça avec trois inconnus? Non, je pense pas. Je pense que ça va... Je trouve ça... je trouve ça intéressant, puis ça me fait plaisir. Puis quand on va en France, souvent on mange beaucoup avec les équipes. Hein, ça arrive très souvent qu'on mange avec les équipes, avec les, justement les bénévoles qui ont travaillé sur le spectacle, avec tous les gens des associations qui organisent les concerts. Donc c'est des moments qui sont que j'aime, puis qui sont riches. Donc on découvre les parcours des autres, puis tout ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Donc non, ça me fait pas peur. Donc on invite les gens à miser le plus possible, oui, sur c'est intriguant, par exemple. Ouais. Oui. Le très agréable Chicho Café, c'est, oui, un, oui, endroit d'ailleurs où on voit souvent des artistes parce qu'ils sont ouverts tard, ça permet d'aller après. Et c'est proche du Grand Théâtre en plus. Ouais. Donc c'est... Puis avec Paul-André, quand il dit vous êtes chanceux. Oui. Brillant. J'ai eu la chance d'y aller deux fois à ces soupers et vraiment la discussion est. On pourrait croire qu'il y a un malaise, mais pas du tout. Là. Souvent la discussion est vraiment très, très, très intéressante. Mais moi, je te souhaite un bon souper, oui, pour l'André. Ça va être une belle découverte. Et faut miser tout de suite. Ça ferme à 21h. Donc ce sera à le lot 82 et le 95. Oui, là, c'est dernière chance pour vrai. C'est vraiment la dernière chance. Je ne serai plus députée à partir de l'élection du 1er octobre, donc 2-3 jours après. Et pour la dernière fois, j'offre de venir dîner avec la députée de Taschereau à l'Assemblée nationale, avec moi. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce dîner-là? Alors, c'est parce que, d'abord, on vous accueille, on vous amène à mon bureau. Là, vous rentrez dans mon intimité de députée. Après ça, on va, je vous organise, vous assistez à la période de questions. Vous jouez à... Vous êtes vraiment... Là, on a un jubé. Nous autres, on a une petite place. Alors, vous êtes direct au-dessus des ce que je vais appeler les joueurs, les shooters, des députés, des ministres. Vous êtes au-dessus des ministres. Vous regardez un peu, là, puis vous voyez que je suis en train de débattre avec Gaëtan Barrette, mettons, ou des choses comme ça. Et après ça, on organise, si vous voulez, une visite de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des visites guidées. Ils font des visites. Et moi, je vous fais une petite... Si j'ai le temps, ça je dis toujours si j'ai le temps, on fait une petite visite privée. Par exemple, François Gendron, pendant qu'il est encore là aussi, ouais, a les vieux bureaux qu'avait Maurice Duplessis à l'époque qui sont restés intacts, à l'intégrale. Wow. Alors, souvent je m'arrange pour que François, vous, qui est un jaseur incroyable, c'est, hey, un causeur magnifique, vous fasse visiter son bureau lui-même. Puis on se promène un peu des bureaux. Et après ça, on descend au restaurant parlementaire où il y a de la super bonne bouffe. Et puis on placote de ce que vous voulez. Moi, les gens me posent toutes sortes de questions sur la vie politique. Bon, après ça, comment ça se vit? Mais c'est vraiment ce que vous voulez. Puis on salue les gens qui passent, qui viennent. Il y a souvent des députés, des ministres qui viennent dire bonjour. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, même si ce sont des adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Hein? C'est des gens qui ont, ouais, d'autres idées. Et tout ce monde-là travaille dans la même zone. Là. On est, comme on dit... Tu ne peux pas être dans une relation haine-haine à longueur d'année dans un même bâtiment. Ça serait, alors, il y a beaucoup plus de respect que ce que les gens, ouais, pensent. Ça permet de voir ça, le côté coulisses de la vie parlementaire. C'est, ouais, vraiment une belle occasion et on le mentionne, c'est vraiment la dernière chance de l'avoir puisque vous quittez la vie politique. Donc, c'est la dernière occasion. Donc, un prix sentimental en plus. Non, mais quand on met l'émotion, là, les gens ils donnent encore plus d'argent. Ah, ouais. Donc, c'est le lot 95. Mais ça va me faire quelque chose, ça va être la dernière fois. Ah, c'est vrai, hein? Non, c'est vrai, je niaise, là, oui, mais ça fait quelque chose. Mais je comprends. Venez, c'est tout. Là, je suis dans la période, c'est ma dernière fois. Ouais, alors, moi, je vous dis, ben ça va faire quelque chose de venir. Venez avec moi, on va aller placoter ensemble puis pour une de mes dernières fois. Allez vivre cette dernière fois. Le lot 95, on le ferme à 21h. Pour l'André, je t'invite à reprendre la scène, si tu le veux bien. On est... Oui? Je vais donner un petit élan à Paul-André. Pendant que tu t'installes, Paul-André, on a un chiffre. On a un chiffre, oui. On a un chiffre. À 20h45, nous étions à 44 819 $! Wow! Alors, on est à 2000 au-dessus de l'objectif, mais on veut battre un record de tous les temps. Hein, on le dit jamais assez. Tout l'argent qui est amassé sera finement dépensé et est utile. On met 42 000 pour avoir un objectif réaliste, mais évidemment, si on avait 150 000, ça nous ferait aussi un grand plaisir. Mais tout cet argent-là sera vraiment très utile à la station, c'est certain. Alors, n'hésitez pas à continuer de donner. Vous avez envie de contribuer à cet élan, hein, si finalement on a un si gros montant. Par exemple, là, déjà, on est très heureux, je vais vous le dire, mais vous pourrez dire, j'ai contribué à la fin. J'ai contribué quand même, je fais partie. Oui, je fais partie de la famille, ouais. CKRL. Je vais parler d'attachement tout à l'heure, c'est vrai, ça marche. Et évidemment, si vous n'avez pas réussi à décrocher un lot, ben, faites un don. Allez-y. Oui, bonifiez ce montant. Oui, on va se rendre à un chiffre intéressant. Pour André, qu'est-ce qu'on entend cette fois-ci? Je vais commencer avec... En fait, c'est une espèce de mélange que j'ai fait où j'ai mélangé des chansons de capoeira parce que je fais de la capoeira depuis longtemps. Donc, c'est comme si à chaque semaine, je voyage au Brésil en entendant cette musique-là. Et pour aller vers une chanson que j'ai coécrite avec Reggie Brassard, qui est un petit peu inspirée justement de rythmique ou de phrasé de chansons brésiliennes. Ahora esa, ahora esa, ahora esa, ahora esa, berimbau tocó na capoeira. Berimbau tocou, eu vou jogar. Berimbau tocou na capoeira. Berimbau tocou, eu vou jogar. E olele, olele. Hoje é só capoeira, Sofia, joia, vem cantar pra você. Olele, olele. Hoje é só capoeira, Sofia, joia, vem cantar pra você. Na beira do mar, aprendi a jogar capoeira de Angola, na beira do mar, na beira do mar. Na beira do mar, aprendi a jogar capoeira de Angola. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar. La mer, le doux, le salé, tu lèches un bout de doigt pour goûter ton café. Tes pieds sont froids, la Catalogne usée, c'est l'été dans tes bras. Je viens m'y déposer, je suis rentré chez moi, soleil à l'intérieur, chanter l'hymne à la joie d'une tonne en sol mineur. Déjouer les pièges tendus par nos souvenirs, se jouer des présages, aspirer ton respire. Lécher une larme, avaler le vacarme, involontaire élan, cette vague a du charme. Brûler la nuit, la flamme des trempins, un velours plein de chêne, révélé par la lampe, toucher ta bouche et la chambre se cambre, tes œufs sentent l'aube, tes cheveux sentent l'ambre. Je suis rentré chez moi, soleil à l'intérieur, chanter l'hymne à la joie d'une tonne en sol mineur. S'enfuit, l'horizon se dévoile avant qu'elle ne se taise, faire parler les étoiles. Lumière au loin, reflet bleu dans tes yeux. Dans ce morceau de ciel, c'est le gris qui m'émeut. Sourire encore pour aucune raison. Tu pars, la avec tes plantes, elles ont tout un prénom. Siffler toujours la même chanson, traîne nos vêtements du couloir au salon. Je suis rentré chez moi, soleil à l'intérieur, chanter l'hymne à la joie d'une toune en sol mineur. Aimer la mer, le doux, le salé, tu lèches un bout de doigt pour goûter ton café. André Cassidy avec Aimer la mer qu'on vient d'entendre, toujours Vincent Gagnon et Louis-Adriane Cassidy qui sont aussi fidèles au rendez-vous. À Massane, tu as massé toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine, comme à l'habitude. Au profit de CKRL. Oui. Et là, tu es là pour nous donner ton résultat final. Bon, pour les massages sur chaise, 270. Ouais! Bravo! Oh! Ça se maintient de chaque année, d'un an à l'année, on reste dans pas mal dans les mêmes chiffres. Là. Je voulais battre mon record 350, mais OK, peut-être l'an prochain. Là. Mais l'important, c'est le total. Oui. Le total, l'objectif. Oui. C'est ce qui est important, l'objectif, c'est ça. Exactement. Mais merci, ouais. Merci encore. Hey, ça m'a fait plaisir, j'étais heureux d'être ici. Belle rencontre, puis longue vie à CKRL. On voit que ça marche, les choses communautaires. Après 45 ans, là, si ça ne marche pas, là, écoute... Là, ben, y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Ben oui, c'est ça. Pas, fait, c'est un bon exemple. Ouais, ouais. Et merci encore, vraiment. Et avec merci plaisir. De me redonner l'énergie nécessaire. Merci. Les dimanches à 5 heures. Merci. Quand j'en ai besoin. Merci. Et pour l'André, on m'avait remis quelque chose pour toi il y a environ une dizaine de jours. On a un auditeur qui s'appelle Grand Chef, qui est toujours fidèle au poste et qui, normalement, fait son tour. Et là, on l'a pas vu dans la fin de semaine, donc j'espère qu'il est à l'écoute. Je tiens à le saluer. Et il est passé l'autre fois au sacrilège me remettre un petit collier comme ça. Il m'en a laissé un pour toi aussi. Alors, c'est un collier qui est fait, je vais essayer de me rappeler là, exactement, en terre d'Hawaï. Et tu le portes et à l'intérieur, c'est le pouce de l'artiste comme ça. Et c'est quand tu manques d'énergie. Alors, tu mets ton pouce à l'intérieur oh, wow. Et ça te redonne. C'est magnifique. Voilà. Alors, c'est Grand Chef, un auditeur de CKRL. Ça, c'est le genre d'affaires qui se passe dans les radios communautaires. Ouais, hein. On le remercie énormément. Fait comme ça, j'aurai toujours accès à mon énergie sur moi. Oui, exactement. Magnifique. Donc, un grand merci à Grand Chef. Alors, on lui passe le mot à travers les ondes. Je suis certaine qu'il nous écoute en cette fin de Radioton. C'est toujours un fidèle auditeur. Il est là à l'écoute de nos émissions de CKRL. On va s'arrêter le temps d'une dernière pause parce qu'on va fermer les derniers lots à 21h. On aura finalement le chiffre final du Radioton 2018. Une dernière prestation aussi avec Paul-André Cassidy et peut-être d'autres surprises. Qui sait? Bonjour, ici Patrick Nizot, propriétaire des boulangeries Boîte à pain. N'oubliez pas, cette fin de semaine, nous sommes en financement pour le Radioton CKRL 2018. Alors, soyez généreux, c'est le moment. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, la Boîte à pain est la boulangerie officielle de tous ceux qui adorent déjeuner et écouter la radio. Plus de 40 variétés de pain, sandwich, pizza au four à bois et pâtisserie. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Boulangerie La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou. Le Radioton de CKRL vous est présenté grâce à la participation de nos partenaires gouvernementaux suivants. Le ministre de la Capitale-Nationale, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, député de Jean Talon, Sébastien Proux. La ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, députée de Crémazie, Marie Montpetit. Le ministre de l'Emploi et de Solidarité sociale, députée de Charlebourg, François Blais. La députée de Taschereau, Agnès Maltais. Le député de Jean Lesage, André Drolet. Le député fédéral de Beauport, Limoilou, Alupa Clark. Et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse de Limoilou et de Première Ovation. La Caisse des Jardins de Limoilou supporte CKRL dans sa mission communautaire et sociale et encourage ses membres et la population à contribuer au Radioton. Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique du Québec se met au service de la pop avec 4 concerts. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Pierre Lapointe, l'enfant terrible de la chanson québécoise. La symphonie des jeux vidéo, un concert éclaté, interactif et multimédia. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de films. Catherine Major avec son invité Ariane Moffat. Hydro-Québec, partenaire de saison. Cette émission est une présentation de la boutique Le Pédalier. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, pédalier.ca. C'est officiellement l'heure de fin, là, mais c'est 21h15 dans les faits, parce que là, on est en train de comptabiliser. Les derniers lots viennent tout juste de se fermer. On doit calculer à l'aide de nos bouliers. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'ailleurs, si on fait autant d'argent, on va peut-être acheter une calculatrice. On va passer du boulier à la calculatrice. Mais non, sans blague. Donc, on est en train de calculer le chiffre final pour ce qui est du Radioton 2018, ça c'est certain. Pour l'André, tu t'as fait des recherches chez vous. Oui. T'as ressorti des vieilles affaires de CKRL. Oui. Qu'est-ce que t'as trouvé? Dans... J'ai retrouvé chez nous divers disques, parce que j'ai déjà eu une émission de radio à CKRL. Donc, j'ai retrouvé des plans de ces émissions-là, les chansons que j'avais choisies, les thèmes que j'avais exploités. C'est une émission vraiment où je passais de la musique plus que je faisais des micros, mais j'avais eu des thèmes. Il y en avait une sur la Méditerranée, il y en avait une sur des chansons de femmes, il y en avait une sur des chansons sur le voyage, une sur des autres, beaucoup de chansons d'hôtel, alors, toutes sortes de thèmes comme ça que j'avais faisait une émission musicale. Musical avec quelques micros. Donc, je trouve ça très drôle de retrouver ça. J'ai retrouvé des disques que j'avais sortis à CKRL puis qui ont dû se perdre dans une boîte de déménagement et qui ont été retrouvés. C'était à l'époque où il n'y avait plus de vinyle. Oui, c'est à CKRL. Il y avait, donc, l'Estac, je vois l'Estac de Louis Sillac, catalogue. C'est la remise officielle, c'est le retour. C'est le retour officiel, je les ramène. J'attendais une belle occasion. Enfin. Et deux disques de Barbara. Donc, Barbara qui chantait, à l'époque, il y avait des disques où elle chantait Brassens et Brel. Puis un autre disque où elle reprenait plusieurs chansons. Il y a du Fraxon là-dessus. Il y a un Brassens aussi. Il y a aussi un Brel. Beaucoup de vieilles chansons, là. Ouais. Des chansons. Une que j'ai chanté à cette époque-là. Mais c'était vraiment drôle pour moi de retrouver toutes ces choses-là. J'avais une émission qui s'appelait Les Yeux Ouverts. Je passais une émission qui s'appelait Les Yeux Ouverts. Puis j'ai retrouvé aussi, mais ça vient d'encore plus vieux. Oui. Parce que ça, c'était dans les disques à moi que j'avais à la maison. Un vieux disque qui était, je pense que c'était un disque qui faisait à la fois office de carte de membre ou qui était remis quand les gens devenaient membres. Probablement à l'époque où c'était à l'Université Laval. Puis il y avait une carte de membre au nom de mon père qui est tombée, évidemment, qui n'est plus là. Mais c'était un disque donc des années 70. On voit que il y a un schéma analytique de la programmation de l'automne. Qui s'était mis on voit à quelle année c'était mis en onde, on voit les heures de diffusion, on voit des différentes photos, c'est numéroté. Puis les chansons qu'il y a sur le disque, c'est Jean-Pierre Ferland, Le Petit Roi, c'est Diane Dufresne, Rire pour rire, Robert Charlebois, Trouver mieux, puis Seule l'adversité. Fait que c'est vraiment, c'est quand même drôle de retrouver ça. Là. Fait que je sais pas si... On fait plus maintenant graver un EP des artistes phares de l'année, mais c'est comme ça que ça se faisait. Puis on voit vraiment l'esthétique aussi hein, qui est de cette époque-là. Qui revient à la mode un peu. Mais oui, il y a un petit côté... Pop, hippie, là, avec Flower Power. Vraiment. Mais pour l'André, on te fait un cadeau. Tu peux garder les vinyles. On te les laisse. Mais à l'époque, on jouait même des cassettes. Moi, je regarde sur ma feuille de route, il y avait des chansons qui étaient prises sur des cassettes. Oui. Ben oui, il fallait bien... J'avais cassette, CD, puis vinyle. Il fallait bien les faire jouer. Oui, bon, il va peut-être falloir, pour une certaine génération, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le mot cassette. C'est une boîte avec un ruban sur lequel il y avait de la musique. Qui accrochait dans l'auto, puis là, qu'il fallait que tu tires dessus. C'est vrai, ça roule.

monde chante et que tout le monde danse au cri de sa révolte et de sa démence. Et que tout le monde jump et que tout le monde bounce pour une pleine vie aux grandes espérances. Et que tout le monde chante et que tout le monde danse au cri de sa révolte et de sa démence. Et que tout le monde chante et que tout le monde danse, que tout le monde sache que la vie commence. Pro Cloutier, un des nombreux artistes qui a fait partie de cette programmation du Radioton. Il y en avait plusieurs. Et là, Danny Fortin est assis là, mais je te parle pas tout de suite. Non, j'ai pas envie. Ça me tente pas. Vu qu'on est en conclusion pour l'André Cassidy, premièrement, merci beaucoup de ton temps pour cet événement. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ta carrière dans les prochains mois? Dans les prochains mois, je vais retourner en France bientôt pour quelques concerts au mois de juin, mais j'y retourne surtout pour un séjour de 2 mois. Mmh. Je vais à Paris 2 mois pour une résidence d'écriture. Ah. Ouais, fin d'été, début d'automne. Ça, je suis vraiment contente, là, parce que là, j'achève un peu le cycle de mon spectacle Libre-Échange, puis là, je suis prête à passer à un autre spectacle, puis ben c'est ça, j'ai eu une bourse du Calc pour aller écrire des chansons pendant 2 mois, fait que je suis vraiment... Ouais, je suis heureuse de ça. Je suis heureuse et fière parce que c'est quand même pas facile d'obtenir ces choses-là. Et souvent, quand on parle de toi, on dit que tu es une interprète, mais oui. Là, tu vas écrire des chansons. Oui, là. Oui. Mais je me considère toujours comme une interprète au départ, puis j'ai pas le besoin de nécessairement signer toutes les chansons que je fais, mais j'ai commencé à en écrire petit à petit, j'ai commencé à intégrer des chansons que je faisais petit à petit dans mon spectacle, puis c'est quelque chose que j'aime, puis je trouve que juste le fait d'écrire change même le rapport aux chansons qu'on choisit des autres aussi, donc c'est une façon différente, ça oriente les autres choix qu'on fait. Puis là, j'avais envie d'en faire des chansons que j'écrirais seule aussi. J'avais fait surtout de la coécriture, beaucoup avec Rémi Brassard. Puis là, j'ai beaucoup de fragments de chansons actuellement. Puis là, je me dis, j'ai besoin d'avoir du temps pour jouer au bloc Lego avec mes fragments pour arriver à construire quelque chose, là, tu sais. Ouais. Donc ça s'en vient. C'est très bientôt, c'est dans quelques mois. Dans 6 mois, je vais être revenue déjà. Bon, ben on te souhaite beaucoup d'inspiration pour l'écriture et on va t'entendre une dernière fois tout à l'heure. Madame Maltais, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois? Je vais finir ma session parlementaire jusqu'à juin. Oui, parce que là, les gens ont l'impression là, que c'était terminé. J'ai encore beaucoup de boulot, puis il y a des dossiers que je veux vraiment fermer comme il faut. Là. Je vais être sûr que tout s'est bien arrangé. Et après ça, il va y avoir une candidature du Parti québécois dans Tachereau, qui n'est pas encore connu, mais avec lequel je discute. Et donc, après ça, je vais aider à la prochaine campagne électorale. Puis après ça, tranquillement, je vais me retirer. Des voyages, du repos, puis un choix à faire. Est-ce que on m'amène beaucoup vers le commentaire et l'analyse politique? Les gens disent qu'ils connaissent ma voix à Québec, hein? Mais on vous trouve bonne à la radio. Ah, c'est gentil. Mais est-ce que je veux vraiment commenter? J'ai toujours fait de la politique. J'ai été militante avant, hein. Tu sais, je regarde Jean-Pierre qui j'étais militante au municipal. Après ça, j'ai fait de la politique. Alors, même comme comédienne dans la troupe Les Folles Alliées, c'était du théâtre très engagé. On avait un discours. Alors, j'ai de la misère à seulement me voir commenter les autres. J'aime faire bouger les choses. Alors, vous avez le plateau, là, puis maintenant, je vais jouer là-dedans, là. Mais reposez-vous, s'il vous plaît. Ah oui! S'il vous plaît. Mon Dieu, je suis... Là, hein? Vous savez, quand je dirige l'émission, là, je vous le dis, reposez-vous. Okay. D'accord, je vais me reposer, mais réfléchir, jouer, m'amuser, être bénévole à des places, faire des choses, écrire. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit, moi, alors que j'ai une plume facile. Voilà. Bon, parfait, ce sera certainement un repos bien mérité, oui. Merci, c'est gentil. Danny Fortin, qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans les prochaines secondes? des annonces que je dirais très, très positives et très surprenantes en même temps. Le précédent record de CKRL, en tout cas depuis que je suis de retour, en 2010, avait été établi en 1900. La fin de semaine était longue, OK? Pour tout le monde. En 2016, on avait fait 44 557 $. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Girard avait mentionné justement dans la conférence, il faut dépasser l'objectif, non pas l'atteindre. On a poursuivi sur cette lancée l'an dernier avec près de 44 000 $. Cette année, on avait toujours notre fameux objectif de 42 000 $. Et on a un chiffre... mon Dieu! Un chiffre record, vraiment record, et qui fait plaisir. Qui fait plaisir pour l'équipe de CKRL, pour les bénévoles, pour les artisans, pour tout le monde qui y travaille, et également qui va aider les organismes culturels et communautaires à poursuivre, justement, à se faire entendre sur nos ondes. J'annonce le chiffre officiel du Radioton 2018, 48 974. Bravo! Bravo! Ah! J'ai des frissons. Moi, je suis ému. Moi, je suis vraiment ému. J'ai des frissons. Je veux dire, c'est extraordinaire. Wow! C'est impressionnant, la générosité de nos auditeurs. C'est, oui. C'est incroyable. On les en remercie 48 974 fois. Mais puis, j'ai aussi, au nom de tous ces auditeurs, vous dire 48 000 et quelques autres, merci, parce que vous faites vivre la vie artistique, vous la diffusez, vous nous permettez d'être en contact avec ce qui bouge et grenouille à Québec. La vie communautaire aussi, tu l'as dit, Dany. Alors moi, je dis aussi à tous les artisans bénévoles, ce qui vient de se passer, ce chiffre, c'est un gros bec, c'est une grosse colle à CKRL. C'est plus une dame. Merci pour ce que vous faites, puis merci tout le monde de l'avoir dit d'une si belle façon. Je pense que tu te parles de la question, en as-tu vraiment besoin de Clay McSween? Je pense que ça dit qu'on en a vraiment besoin de ce KRL. Ben oui, vraiment. On manque de mots, hein, avec 48 000 oui. pièces. Ouais, ben, oui. c'est drôle. Ouais. Mais merci, on a fait les remerciements. Dany Fortin, merci pour ton travail dans le Radioton, parce que les chiffres, c'est toi, le boulier. Ben, les chiffres, c'est moi, mais c'est un travail d'équipe. Oui, oui, oui. Et c'est justement, je compte les chiffres, mais tout le travail des gens qui sont ici, et depuis plusieurs mois, on se comprend que c'est une fin de semaine, le Radioton, mais ça se travaille un peu partout ici à la station. Hein? Oui. Donc, depuis, je dirais, 3-4 mois quand même. Donc, merci vraiment à tous. Oui, merci tous les employés qui ont mis la main à la pâte dans les différents secteurs d'activité. Merci à la technique, hein, c'est quand même tout un travail. Je vous rappelle toujours qu'on a... On a un show de blues suivi d'un show de métal le vendredi. Il faut que tout le monde rentre dans nos petits coins ici. Donc, c'est vraiment tout un travail. Les bénévoles qui ont donné du temps aussi dans tous les différents secteurs, à l'animation, à la régie, à la mise en onde. Et j'en passe, chaque tâche était importante. Sur les médias sociaux, mon Dieu, ça a explosé. On a vu notre logo partout se promener d'un bout à l'autre. Ça a été vraiment fabuleux et fantastique. Merci à tous les donateurs, évidemment. Et Tania Beaumont. Je vais me remercier moi. Merci Tania Beaumont. Merci Tania. Oui, mais écoute, prenons le temps là. Évidemment, c'est une pro du Radioton, on le sait, mais elle était là à l'émission d'ouverture, elle a fait la fin de semaine, elle a l'émission de clôture, puis en plus, t'as encore l'énergie. Moi, j'arrive ici, c'est facile, j'arrive le dimanche soir, viens faire la fermeture, Tania est toute là, vive, prête à tirer le meilleur de tout le monde qui passe ici. Alors, merci, Tania. Ben, merci. C'est Amassane, le secret. c'est lui qui donne un bon coup de main. Madame Maltais, merci d'avoir co-animé cette émission de fermeture, encore une fois. On le dit, là, ça fait quasiment 10-12 ans qu'on fait ça ensemble. Ben oui, on a du fun en plus. Donc, c'est très non, agréable. Mais c'est agréable. Vraiment, c'est une mécanique, c'est difficile, ça roule. Les gens, il faut qu'ils suivent, il faut que ce soit clair pour qu'ils puissent savoir s'ils peuvent encore miser sur des lots. Puis, c'est ça, on fait qu'il. Encore un gros merci. Merci, Patrick Nizot, qui est notre coporte-parole, hein, propriétaire oui. des boîtes à pain, qui nous a donné aussi, des baguettes, des viennoiseries, du café, mais un grand coup de pouce en général, vraiment, un homme fabuleux qu'on a découvert à travers cet événement. Pour l'André Cassidy, merci beaucoup. C'est notre vedette internationale. Oui, tout à fait. moi, c'est pour ça que je t'ai choisi. Hein, pour ton côté international, je me suis dit, ça y est, c'est quand RL va rayonner partout à travers la planète. Mais tu vois, ça a marché, 48 000 $. Et je te laisse le mot de la fin avec la prestation. Vincent Gagnon, Louis-Adrienne Cassidy, qui n'étaient absolument pas obligés d'être là, mais qui l'ont fait aussi. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu... Une chanson qui s'appelle « Libre-échange », que j'ai coécrite aussi avec Reggie Brassard. Voilà. On a échangé des mots, des mélodies. On a signé nos propres accords d'un libre-échange non économique. Alors, le dernier mot est à toi. Merci beaucoup à tout le monde. Pendant que nos mains réunies n'en forment qu'une paire entière, autant en profiter pour danser un tango métropolitain entre Québec et Buenos Aires, loin des frontières à traverser, entre les aurores boréales et la pampa des aujourd'hui, autant en profiter pour danser notre tango tempétueux des aubes moites au cœur des nuits, de notre romance embrasée. Rien qu'un mouvement, que ça s'enchaîne, et non pas que le rythme entraîne en la parade des amours. Paraît que nous rêvons les mêmes enchantements et sortilèges, autant en profiter pour danser un tango sur piste de transe étoilée de cendres et de neige. L'intention preste et mouvementée, en ce moment la pression monte entre la nature et l'humain, autant en profiter pour danser notre tango fédérateur du rationnel et de l'instinct, dans l'espace qui nous est donné. Rien qu'un mouvement, que ça s'enchaîne, et non pas que le rythme entraîne en la parade des amours. Puisque nous sommes bénis deux fois par le désir et l'affection, autant en profiter pour danser un tango panaméricain, pas de rythme, bandoneon, lèvres de dulce et de leche, étreint par les côtes océanes, le grand nord et la terre de feu, autant en profiter pour danser notre tango d'élan et d'orque, les goélands, les macareux, dans un envol chorégraphié. Rien qu'un mouvement, que ça s'enchaîne, et non pas que le rythme entraîne en la parade des amours, en la parade des amours, en la parade des amours.